Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 31e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et autour d'un VR, c'est l'émission qui pue pas de la gueule parce que nous on raconte pas que de la merde. Et pour m'accompagner aujourd'hui, nous avons Majoman. Salut Majo. Bonsoir, salut à tous. Ouais, je suis revenu quand même malgré le fait que vous vouliez plus nous inviter. Ouais, c'est ça, t'as retrouvé le chemin quand même. Ouais, c'est ça, j'ai retrouvé la route. Tuban. Ils ont des cuvées depuis le jour de l'an. Ouais, enfin j'ai des cuvées parce que Cyril est pas là. Cyril est encore mal au foie. Apparemment ça dure. Et ensuite nous avons Laurent, salut Lolo. Bah salut. Bah moi tu vois j'étais là la dernière fois et puis oui ça roule, nickel. Ah, t'es tout le temps là, de toute façon le podcast ne sera rien sans toi. Ouf. Allez, impec. Et aujourd'hui nous avons un invité exceptionnel, nous avons notre expert Tekos qui est venu nous rejoindre, un auditeur, c'est Johan, salut Johan. Salut à tous, bonsoir. Ça roule? Bah écoutez, super, hein. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous quoi. Avec un gros plaisir parce que tu vas bien nous aider justement à comprendre un petit peu tout ce que ça veut dire, tous ces chiffres, toutes ces petites indications techniques qu'on a depuis quelques temps là sur la PS5 notamment. Mais ouais. Avant cela, on va commencer par les tests des jeux qui sont sortis depuis ces deux dernières semaines. Et on va commencer par toi Laurent avec Dinosaur Island. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dinosaur Island. Alors déjà, c'est un jeu de dinosaures, un wave shooter. Voilà, donc des dinosaures, ben c'est vrai que la VR est plutôt bien adaptée pour les jeux de dinosaures parce qu'on a tout le temps ce rapport d'échelle et puis les gens qui aiment bien les dinosaures comme moi par exemple depuis que je suis tout petit, beaucoup de gens sont dans mon cas. Ils se rappellent aussi de Robinson The Journey, un excellent jeu, hein, Sei. Ouais. Ça, et il y avait Ark Park qui était pas forcément très un excellent jeu aussi, non, qui était pas bien, qui était pas abouti. Et donc là, et ben, forcément, il y a un nouveau jeu qui il y en a eu d'autres. Il hein. y a eu Dino, comment il s'appelait Dino. Dino Carnage, non ? Non, il y avait pas un truc. Oui, voilà, Time Carnage, où on cassait du dinosaure également. Donc Dinosaur Island, c'est une expérience à la base qui est développée pour des téléphones mobiles. Donc le studio, c'est le studio Lakento. Alors le studio Lakento, c'est pas vraiment un studio de développement, c'est plus une marque qui commercialise des boîtiers de casques VR dans lesquels on peut mettre un téléphone portable, et ils ont fait quelques expériences adaptables justement pour téléphone. Dans ces expériences, il y avait justement Dinosaur Island VR, et il y en avait plein d'autres. Et puis ils ont décidé de le rendre compatible sur PlayStation VR. Globalement, il y a le pour et le contre. On se rappelle au niveau des graphismes de Ark Park, où j'avais pas mal râlé à l'époque en disant que les textures étaient à chier, mais plus qu'à chier même. Alors là, c'est tout le contraire. Les textures sont très très très belles. Par contre, c'est très vide. En gros, vous avez un terrain plat, vous avez des super belles textures sur les troncs d'arbres. Vous avez trois arbres posés dessus, une voiture et trois dinos. Voilà. En gros, quand vous êtes au milieu, vous sentez que vous avez un peu l'impression d'être au milieu d'un stade de foot avec trois arbres et quelques dinosaures qui vont vous foncer dessus. Alors ouais. Ce côté-là, c'est dommage, mais c'est pas ce qui pêche le plus. Par contre, niveau texture, modélisation, c'est relativement correct. Même, on sent qu'il y a eu du travail derrière, qu'ils ont bossé quand même, qu'ils ont bossé pour améliorer les graphismes qui sont à la base sur téléphone. Et ce qui pêche, par contre, c'est la durée du titre et puis son prix. Donc globalement, eh ben, on commence le titre en disant ouais, pourquoi pas, on avance. Et puis 25 minutes plus tard, vous avez terminé. Voilà. Ouais. Pour 15 boules. Donc ça calme. C'est un jeu de début de VR quoi. C'est très cher avec 30 minutes de durée de vie. 1€ la minute. C'est même pas. C'est 15,99€, donc c'est 16 boules. 16 boules les 30 minutes à tout péter. Tout à l'heure on parlait de Time Carnage. Par exemple, Time Carnage en ce moment il est proposé à 7,99€ et au niveau de durée de vie ça n'a rien à voir. Donc voilà, je vais dire que c'est plutôt. Pour 16€, vous avez plutôt un tuto. Et puis après, vous attendez le jeu que vous n'avez pas. Et c'est là où ça a été la grosse déception. Il s'est pris un 3 sur 10. C'est dommage, parce que techniquement, par contre, on s'aperçoit que c'est plutôt. Ça pourrait être vraiment bien foutu. Mais bon, c'est, c'est vide. Et puis c'est très arcade. Quand on voit donc sur les petits dinosaures, on peut quand même se permettre de faire des headshots ou des trucs comme ça. Mais dès qu'il y a des gros dinosaures, on a beau vider son chargeur dessus, il se passe rien parce qu'en fait, il faut attendre qu'il y ait un viseur qui s'affiche soit sur sa jambe, soit sur sa tête. Ah, bah, et tu vises le viseur et en fait, il peut rien t'arriver. T'as pas de risque. Tu peux même pas l'esquiver. Le dinosaure, il est pas prêt à se faire tirer dessus encore. Voilà. donc en gros, c'est super arcade quoi. C'est du tir au canard. C'est rien d'autre quoi. Et puis dès que tu as ton viseur, tu envoies trois rafales. Alors, il est compatible M-Controller, donc c'est super précis. Donc, dès que tu vois le viseur s'afficher, tu tires en rafale, et puis c'est tout. Ça, c'est cool. Et ça se finit. Je veux dire, tu n'as même pas une difficulté particulière. Tu fais tes 25 minutes et il n'y a pas un moment où tu ne vas pas tirer sur un boss ou sur... Mais c'est un rail, on est d'accord. Tu ne te déplaces pas. Hein. Ah si, tu te déplaces. Ah non, attends que je me rappelle, que je raconte. Tu te déplaces aussi. C'est un rail. Moi, ce qui me gêne un petit peu sur ce genre de jeu-là, c'est cette propension qu'on a à vouloir buter une espèce qui n'existe plus, en fait. En plus. Pas, normalement, les dinosaures, c'est joli, t'as envie de les voir évoluer, t'as pas envie de forcément de les buter, quoi, de les éradiquer une deuxième fois. Toi, tu vas encore plus loin que le vegan, en fait. Non seulement tu veux pas te faire de mal aux animaux, mais en plus, tu veux pas faire de mal aux animaux déjà morts. Bah oui, c'est ça. Je trouve ça dommage. C'est pas gentil. C'était un moyen d'introduire les dinosaures, on va dire. Ils ont dit ah si on leur tirait dessus. On va les tuer. Ouais. Non, mais c'est assez joli, mais pour 16 balles, moi, un truc comme ça, aller à 3 euros, je dis oui. Ça peut passer le temps, mais à 16 euros, faut arrêter. Non, c'est inutile, ça vaut rien. Enfin, franchement, c'est pour les. Enfin, ça vaut pour ceux qui n'ont jamais joué à la VR et encore. Ça donne pas une bonne image, franchement. Non, et puis c'est très peu fourni graphiquement. C'est quand tu vois la forêt dans Robinson, putain, tu regardes de partout, elle est fournie. Il est magnifique quoi. Ce jeu. Non, il est magnifique. Là, t'as vraiment l'impression d'être au milieu d'un stade de foot avec des dinosaures qui te foncent dessus, quoi. Donc, S'ils avaient rajouté un truc justement éducatif derrière pour en apprendre un peu plus sur les dinosaures, ça aurait pu être intéressant. Ouais, quand tu l'as buté, tu apprends qu'il était gentil, en fait. Ouais, il était gentil, il avait une famille. C'est un herbivore. Oh merde, il voulait pas me bouffer. Ça, en plus. Mais buter des triceratops ou des stégosaures, quoi, je vois pas. Enfin bon, bref. Ouais, bon, mais c'est écoute, tout pour Dinosaur Island. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Faut vraiment, t'es sûr, hein? Pour qui il se destine, si ceux qui adorent vraiment les dinosaures, qui aiment buter du dinosaure, qui ont 16 euros à gaspiller, voilà, mais franchement, non. Et encore ceux qui aiment vraiment les dinosaures, rabattez-vous sur Robinson. Ah, bah carrément, ouais, c'est clair. Ouais, admettons. Bon, ensuite, Majo, tu as testé Shadow Legend. On en avait déjà parlé en podcast, mais de la version PC. Il me semble que c'était Spanx qui l'avait testé à l'époque. Affirmatif. Il sort bientôt sur PSVR. Qu'est-ce que ça donne ? Il sort bientôt sur PSVR, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que ça donne ? Écoute, pour l'instant, c'est top. Je pense l'avoir presque fini. J'ai joué 5 heures. Mmh. Et... C'est vraiment bien, c'est un univers médiéval fantastique du coup. Et ça fait penser un peu à Skyrim dans la méthodologie, mais avec un gameplay adapté à la VR. Skyrim, ce qui se passe, donc, c'est dans un monde ouvert avec tu incarnes ton propre personnage, pardon. Mais tu as toujours ce système de menu pour, comment dire, à l'ancienne. On voit que c'est une adaptation d'un jeu plat, si tu veux, à la jeu VR, manette. Mais, voilà, c'est ça. Et là, du coup, c'est complètement pensé pour la VR, c'est-à-dire que tu vas avoir une petite sacoche, en fait, que tu vas ouvrir, ça va déployer un coffre dans lequel tu peux choisir tes items avec ta main, tout simplement. Tu dégaines ton arme, normalement, ton arc, tu vas le chercher dans ton dos, etc. Enfin, niveau gameplay, il est vraiment très très bien pensé. Après, c'est un peu différent de... C'est quand même différent de Skyrim dans le sens où c'est pas vraiment un monde ouvert. C'est un peu l'impression que j'avais eu en regardant les trailers, mais finalement c'est pas un monde ouvert. C'est plus des zones en fait dans lesquelles tu vas évoluer, qui sont pas spécialement grandes, mais qui sont plutôt pas mal. T'as un petit aspect aussi puzzle game, ouais, avec des petites quêtes à résoudre et des petits puzzles à résoudre, pardon. Et puis graphiquement, il est vraiment très très joli. Le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il y a de la lasing. Voilà. Sinon, c'est très coloré, t'as pas mal d'effets de lumière, t'as beaucoup d'interactivité, notamment dans la phase de tuto du départ. Là, c'est dans les trailers, on l'a beaucoup vu, c'est le cheval, le chien qui te suit, là, tu peux lui donner une croquette, tu peux lui faire manger une carotte, tu peux faire cuire un steak, enfin, tu vois. Tout ce genre de petits détails, si tu veux, qui servent à rien, mais qui sont toujours marrants à faire. Chevalier simulateur, quoi. Et encore, qui servent à rien, je dis des bêtises, parce que le fait de se faire cuire un steak, après, tu le manges et ça te redonne de la vie. Donc, même ça, je trouve ça très très bien pensé pour se régénérer. T'as pas la vie qui remonte toute seule, si tu veux, t'es obligé de te soigner soit en buvant une potion, soit en, ben, en mangeant des aliments, etc. Donc, ça, c'est, je trouve ça aussi très bien pensé. Puis tu fais vraiment le geste, tu veux, de le manger, de l'amener à ta bouche. D'accord. Et justement, donc, au niveau du gameplay, il y a Spanx qui disait qu'il y avait des petits soucis, en tout cas au début quand il était sorti sur PC, des petites imprécisions dans le gameplay. T'as ressenti ça, toi, sur PSVR? Alors, je trouve que niveau tracking, c'est top. Même pour moi qui ai toujours un peu du mal à placer ma caméra, je trouve que le tracking répond vraiment très bien par rapport à ta position. J'ai un peu galéré, effectivement, des fois pour dégainer mon épée ou ma torche, quand c'est dans des phases d'action un peu intensives, si tu veux, où t'es un peu pris par le temps, ou surpris dans par l'action. Un ennemi, si tu veux, voilà. Mais sinon, non, franchement, quand tu dois faire des contres parés pendant les combats, ça se passe plutôt bien. Même pour les découpages, à un moment, est-ce que tu peux démembrer les ennemis en fonction de s'ils sont suffisamment affaiblis. Même ça, je trouve que si tu coupes bien, t'as des indications, si tu veux, si tu te mets bien à l'endroit où ils t'indiquent, ça le fait assez facilement. Donc non. Niveau gameplay, ça va. J'ai juste réussi à glitcher le jeu. Ah. Je pense que je mettrai le passage dans la vidéo. Je savais pas comment, enfin il y avait une grille en fait, je savais pas comment l'ouvrir et je me suis déplacé physiquement dans mon salon en fait pour traverser la grille. D'accord. Et du coup ben ça marche. T'as un gameplay émergent, c'est pas mal, ouais, ça. Comme ça, t'es prêt pour le speedrun. Hein. C'est, c'est ça. Donc voilà, non, pour l'instant très bonnes impressions. J'attends de le finir pour voir D'accord. ce que ça va donner. Ok. T'as une idée du prix ou... Non, je crois que c'est 25$ sur Steam, enfin 25€ pardon sur Steam. Sur PS4, non, pas du tout. D'accord. Bon, je pense que ça va être pareil, 25 ou 30€ quoi. On verra ça lors du test. Ça marche. Voilà. Ok, très bien. Et donc Shadow Legend, la bonne pioche par rapport à Dinosaur Island, apparemment ça vaut un peu plus. Ouais, j'avoue, j'ai été gâté. Bah, c'est bien. Merci la rédac. Par contre, Laurent, c'est pas le cas. Hein. Moins pire. Ouais. Rappelle-moi Laurent, t'es le chef, non? C'est toi qui décides. Ouais. C'est un gentil chef. Je prends les jeux que personne ne veut en fait. Merci chef. C'est ça. Non, alors Eclipse Edge of Light, donc c'est un jeu qui est développé par le studio White Elk. Donc c'est un jeu qui à la base a été développé, ça c'est la chose qui est très importante et c'est ça qui influe aussi sur la note, c'est qu'un jeu qui a été développé pour le Daydream de Google. Il a été aussi derrière disponible sur Oculus Go et sur Gear VR. Et donc il a dû sortir sur PlayStation VR et également sur Oculus Quest. Donc déjà on sait que c'est une base qui a été développée à la base vraiment pour du mobile. Est-ce que il y avait, j'ai pas vérifié, mais je me demande s'il n'y avait pas même au départ une exclusivité sur Daydream et puis qu'après ça a été donc ils avaient vraiment pensé le truc pour un jeu mobile avec les caractéristiques d'un téléphone portable, donc il n'y a pas forcément la puissance, et donc ils ont adapté le produit, ils ont adapté le jeu directement sur PSVR, ce qui implique que ben, il y a quand même pas mal de lacunes au niveau du graphisme. Alors le jeu, en fait, il est plutôt... Je dirais que les premières minutes, même la première demi-heure dans le jeu, est plutôt plaisante. Ça a beau être très simple, au niveau des polygones, il y en a très peu. Les textures sont plutôt simplettes. Et en plus, ces textures, on les retrouve tout le long. Donc ça, c'est au bout d'un moment, c'est lassant parce qu'on s'en aperçoit. Très diversifié. Voilà. Par contre, les points forts, c'est qu'au niveau de l'éclairage, vraiment, les éclairages sont très très beaux. Niveau des couleurs, du choix des couleurs, les tableaux sont vraiment très jolis également. Donc c'est pour ça on se dit bon, le jeu est simplé, mais quand on arrive devant, ben on va se dire il est pas si mal en fait. Il est plutôt plaisant, il est plutôt joli. En plus on a un jetpack, donc on peut voler avec le jetpack en VR, ça c'est super intéressant. Par contre, c'est au niveau du gameplay, ça. Alors si on continue sur les graphismes, déjà il y a ce côté-là, et puis en avançant dans le jeu, on s'aperçoit quand même qu'il y a des gros problèmes au niveau de l'eau. La gestion de l'eau, ben, c'est juste une texture qui bouge sur une partie plane. Donc c'est là qu'on on se rend compte que bon ben le PSVR aurait pu, enfin les PS4, PS4 Pro auraient pu être capables de d'afficher quelque chose d'un peu plus réaliste. Et puis plus on avance, plus on a cette impression de retrouver les mêmes textures. Et puis à la fin on voit plus que ça. Et puis on se dit ouais, oh, lassitude. C'est ça qui s'installe. Et niveau gameplay, c'est un peu la même chose. C'est qu'au départ, on trouve sympa, on commence à découvrir le jetpack, on se dit putain, c'est cool, on peut décoller. Et puis au début, on commence à rentrer dans l'histoire en se disant tiens, il va falloir casser des jarres pour récupérer de la poussière qui va nous servir à ouvrir des portes, à faire des actions. Mais en fait, en avançant dans le jeu, on s'aperçoit qu'en fait, c'est complètement bidon parce que t'as même pas besoin de casser les jarres, t'arriveras quand même à tout ouvrir. Donc en fait, on te fait faire des actions juste pour te faire croire que ça sert à quelque chose, mais au final, ça ne sert à rien. T'es pas bloqué parce que ouais, t'as pas fait quelque chose. Et ça, ça m'a dérangé. Après, au niveau de la durée du jeu, on va dire que les développeurs l'annonçaient pour 3 heures. Franchement, je l'ai fait en 1h45 et 1h45 sans courir non plus. Il n'y a pas vraiment d'ennemis, hein, c'est que des énigmes. Les énigmes sont super faciles. Là, c'est pareil, il n'y a rien qui va t'arrêter en fait. Tu avances, tu vas avancer. Alors au début, tu te dis que ça va devenir de plus en plus compliqué. Sur la fin, il y a quand même quelques petits trucs un peu plus compliqués, mais ça va pas chercher loin. Donc, on se retrouve avec un truc qui aurait pu être tellement mieux. Je lui ai mis la moyenne, je lui ai mis 5 sur 10. C'est sûr que sur Daydream, c'est peut-être un jeu qui aurait reçu un 7 ou un 8 sur 10. Par rapport à la configuration du téléphone. Mais là, ce problème aujourd'hui, c'est qu'on a un catalogue de plus de 370 jeux sur PSVR, qu'on a vu des tonnes de jeux, et que si on se met à la place d'un acheteur potentiel qui a déjà joué à certains jeux sur PSVR, quand il va avoir celui-là, ça peut lui faire tout drôle. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a l'héritage de tout ce qui est déjà sorti sur PS4, qui c'est ça. Fait un petit peu mal le genre de production. Il est comparé... C'est encore un vieux jeu. C'est vraiment daté comme réalisation. Et bon, bah, quand on se retrouve devant, bah, on ne peut pas s'empêcher de dire « Putain, qu'est-ce qu'on était bien dans tel ou tel jeu ?» C'est dommage parce que tu sens que derrière, le studio, il a du potentiel et que si vraiment ils s'attellent sur un truc comme la PS4 Pro ou sur la PS5, ils sont capables de faire du lourd. Mais bon, il y a voilà, ça a été juste à mon avis adapté. Ils ont peut-être revu quelques textures, ils ont peut-être modifié quelques petits trucs pour donner un peu, mais au final ça reste daté quoi. Ça reste D'accord, ok. Donc Eclipse Edge of Light, bah, c'est un jeu moyen qui il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver ça extraordinaire. Je me suis parce qu'au départ j'étais même parti pour lui mettre moins que ça, que 5 sur 10. Et puis après, en avançant, et puis j'ai dit je vais quand même y retourner, je vais quand même regarder. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits qui sont vraiment, malgré des graphismes simplés, qui sont super sympas. Donc tout le long du jeu, je fais ça en fait. J'ai fait une courbe sinusoïdale de mon état. Un coup, je disais ah, ça c'est pourri. Après, je dis ah, ça c'est chouette. Ah, ça c'est pourri. Voilà, ça a été comme ça pendant 1h45. Donc à la fin, j'ai fait mes petits calculs et puis je suis arrivé sur cette note de 5 sur 10. Voilà. Il a combien celui-là ? Alors celui-là, il est à 15 euros, je crois. 15 euros, ouais. 14,99. Okay. Après, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un jeu qui a eu plein de prix à l'époque. C'est ça. À l'époque. Et tu vois que deux ans après, sur une vraie plateforme VR, le jeu il se tape 5 sur 10. Ah, t'as vu comment ça bouge aussi au niveau de cette technologie. Enfin, maintenant, ça, non, mais c'est pour ça que je te dis, tu sens quand même un peu l'évolution et de la techno et des besoins ou des attentes des joueurs VR de maintenant. C'est ce que je disais dans le test écrit. Je disais que ce jeu-là serait arrivé en octobre 2016 à la sortie du PSVR. Il aurait certainement pu avoir un 6 ou un 6,5. Mais sauf que là, on est plutôt en fin de vie du catalogue. Et c'est vrai que quand on le compare à toutes les productions, il y a clairement un retard par rapport au reste. Un fossé. Voilà. Oui, pour ne pas dire un fossé. Ouais. Ok, très bien. Donc Eclipse, Edge of Light, c'est bien mais pas top. C'est moyen. À éclipser. Voilà. Oh, excellent. Elle est bonne. Excellent. Dernière petite précision sur Eclipse à noter, c'est qu'il est super net et qu'il n'y a pas d'aliasing. C'est bien, tant mieux. Voilà. Déjà qu'il n'est pas très détaillé. Si en plus il y avait de l'aliasing, ça serait un peu relou, quoi. Ah, ça existe. Et si on parlait un petit peu de drogue, les amis? Avec drogue. Ouais, de quoi, drogue. Qui se drogue ici? Toi, tu te drogues, Sei? Apparemment, tout le monde, apparemment, chacun d'entre nous, on se drogue. On est des gros junkies parce que. Ah, c'est vrai qu'on se drogue. On est des addicts aux jeux vidéo. Mm. Et Majo, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je suis un gros drogué, moi. Je peux pas m'en passer. Hein. Je joue toute la journée, d'ailleurs. Je ne travaille pas, je ne fais que ça. J'ai arrêté l'école à 6 ans. Tu vois. Normal. Pour revendre des jeux vidéo dans la cour d'école. Voilà, c'est ça. Je dealais des jeux PlayStation. C'est gravé. Ça. Donc, non. Personne n'est passé à côté, je pense. Petit coup de gueule. C'est Bayard et une association là, de santé qui ont décidé de nous faire un petit amalgame encore. Financé par l'État. Ouais, en plus, voilà, c'est vrai, c'est une étude qui a été financée par l'État, tout à fait. Et qui ont décidé de nous faire un petit amalgame entre les grosses addictions comme l'alcool et la clope et le jeu vidéo. Quoi. Et le tabac. Donc là, on est... Oui, j'ai dit la clope. Ah oui, tu mets du tabac dans ta clope. Pardon, enfin, excuse-moi. Et du coup, voilà, là, on est en plein dans le mélange, dans le fourre-tout, quoi. Pff, franchement, ça devient du grand n'importe quoi. Enfin, encore une fois, c'est le jeu vidéo qui est ciblé, mais si on fait l'analyse un peu plus profonde de tout ça, c'est plus les écrans, en fait, qui devraient être ciblés que le jeu vidéo. En règle générale, oui. Et moi, je vais juste résumer ça et clore le débat. Pour moi, il y a effectivement peut-être un besoin d'information pour les enfants, mais enfin bon, c'est comme tout. Enfin, je veux dire, tout est bon à partir du moment où on n'en abuse pas. Et en fait, il faut faire comprendre ça aux enfants, mais c'est surtout aux parents d'intervenir c'est et d'éduquer leurs enfants, quoi. Enfin, exactement. C'est ça. Mmh. Là-dessus. Moi, je suis un jeune père de famille. Je suis pas le meilleur, loin de là. Et j'ai fait certainement des erreurs avec mon enfant, mais je la limite beaucoup sur ce qu'elle peut regarder à la télé, sur ce qu'elle peut voir sur un téléphone portable. Enfin, je l'éloigne toujours quand moi je regarde des trucs. On fait toujours attention à ce qui passe à la télé. Tu vois, enfin, faut limiter tout ça. Faut mesurer, faut contrôler. Il n'y a que comme ça que... Je dis pas empêcher, interdire tout et n'importe quoi, si tu veux, mais faut contrôler, quoi. Voilà, enfin, moi, mes parents, quand j'étais petit, que je jouais, il y a un moment, ils me disaient stop, t'arrêtes, tu viens manger. Bon, ben voilà, je débranchais, je sauvegardais, j'allais manger... Je rechignais pas, quoi, tu vois, ça s'appelle de l'éducation. Mmh. Mais après, à la décharge de cette initiative-là, donc de cette brochure, est-ce que vous pensez pas aussi que quand ils ciblent jeux vidéo, c'est, on va dire, le terme générique aussi pour cibler notamment tout ce qui est sur téléphone portable et ce qu'on voit un petit peu trop régulièrement des parents qui laissent les gamins sur leur téléphone portable au resto ou je ne sais pas, enfin n'importe où, dans n'importe quel lieu, quand même chez eux, et qui ne contrôlent absolument pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, fous-nous la paix, tu prends ton Candy Crush ou ton jeu à la con sur portable, je ne sais même pas ce qu'il y a, et puis voilà, après, ils ne contrôlent absolument pas en fait, ce qui se passe sur l'écran de leur gosse. Et c'est quand même important aussi, je pense, de sensibiliser les parents. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment à destination des parents, parce que... Je crois que à la base c'est une bande dessinée à destination des enfants. Ouais. Il me semble. Ben, c'est une bande dessinée mais qui est distribuée avec apparemment gratuitement avec tous les livres des éditions Bayard Press. Donc c'est un peu à destination de qui voudra la lire, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais la BD, pour faire court, c'est deux parents qui appellent leur gamin pour manger. Le gamin il est scotché sur sa Switch, je crois. Enfin, c'est ce qui ressemble à une Switch. Voilà, il dit il est pas d'accord, il veut pas venir manger. Non, je finis mon jeu. Et là, catastrophe. Après, il arrive à la table, le drogue, prison. Le scénario que beaucoup de parents doivent connaître. Ouais, ouais. Bah, moi le premier, mais enfin bon, je veux dire, mes parents ils ont connu le même. Oui. Mais c'était pour autre chose, c'était pour la télé, c'est parce que tu joues au foot, c'est parce que. Fin... Tu fais quelque chose, on vient te couper dans ce que tu fais, t'es content, forcément tu râles, t'es un enfant. C'est comme ça. Maintenant, après, il faut vivre avec et s'adapter et voilà, et pas tout tolérer non plus. Et comme tu disais, ça, il n'y a pas non plus se dire tiens, tu me casses les pieds, prends ton téléphone et casse-toi, va faire ta vie là-bas, laisse-moi tranquille. Et toi, Laurent, moi, t'en penses quoi ? Moi, ce qui me dérange dans cette campagne, c'est on est carrément d'accord sur le fait que c'est aux parents d'éduquer leurs enfants. Alors, il y a une première chose qui me dérange, c'est qu'ils n'aient pas fait deux brochures. Donc, une brochure où l'addiction au numérique, qui intégrerait YouTube. En règle générale, ouais. Voilà, tout ce qui existe, en fait. La télé. La télévision, les émissions débiles de télé-réalité qui les rendent complètement crétins. Oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé. Ça, par contre, c'est légalisé. Les réseaux sociaux. Mais remarque, quelque part, ils ont réussi, si tu veux. Les réseaux sociaux, Internet. Parce que ce qui est rigolo, c'est que moi, mon fils a 12 ans, et je m'aperçois que quand je lui dis « Bon, maintenant, Fortnite, c'est terminé, tu arrêtes », il va pas forcément râler si je le coupe pas en milieu de partie. Donc il va arrêter, mais dans la seconde qui suit, il va prendre son téléphone pour regarder une vidéo sur YouTube. Et si je lui dis d'arrêter, eh ben dans la seconde qui suit, il va regarder un truc à la télé qui sera complètement crétin à mon goût. Donc au final, c'est vraiment ce souci des écrans qui. Et je pense que le gros problème de cette campagne, c'est qu'ils ont assimilé le numérique. Si on part du principe que le jeu vidéo pour eux c'était, mais c'est surtout le jeu vidéo qui met à côté du tabac et de la drogue, où là on est vraiment face à. Il parle pas de drogue, il parle d'alcool. Et ce qui m'inquiète sur ça, c'est que c'est quand même des brochures qui vont se retrouver dans les salles d'attente chez le pédiatre, qui vont se retrouver chez le docteur, qui vont se retrouver de partout. Et les gens en attendant, ils vont lire ça. Et je me mets à la place de parents qui ont des enfants et qui sont pas forcément au courant du monde du jeu vidéo. Et ben ils vont se dire non. Moi, mon gamin, il jouera jamais aux jeux vidéo. T'as vu, c'est comme le tabac ou la drogue. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Eh ben, ce qui est là, oui, c'est une mauvaise chose parce que si tu te rappelles, c'est un média. C'est un média comme un autre. Donc, alors, si on part de ce principe, dans ce cas-là, il faut interdire la télévision. Plus de cinéma, plus de bande dessinée. C'est ça. Je ne sais pas si tu te rappelles la conversation qu'on avait eue avec Nicolas Doucet qui disait qu'il avait appris l'anglais sur les jeux vidéo et maintenant il en est où ? Ben, il a fini au Japon et puis il dirige Donc il y a plein de gens qui ont appris plein de choses avec le jeu vidéo. Alors certes, il y a cette. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être plus taper sur les développeurs qui essayent de créer avec des psychologues des jeux addictifs ? Ça, le problème du portable, du système free-to-play, de l'économie free-to-play, c'est ça. Ça fonctionne sur ce principe. Dégueulasse, franchement. Moi, ce qui me gêne vraiment, on en parlait. EMB a fait une vidéo là-dessus. Alors lui, son point de vue, c'était justement ça. C'était que lui, ça le choquait pas plus que ça, parce que il disait qu'il y avait quand même des addictions et tout ça. Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Là où j'étais pas d'accord, c'était vraiment d'avoir mêlé les deux. J'aurais bien vu deux brochures en fait. Ou alors le faire qu'un seul livre, mais d'avoir deux couvertures recto verso et d'avoir une partie où on parle de drogue et d'alcool et après on le tourne dans l'autre sens pour avoir la partie numérique. Un truc plus clair ou plus nuancé, quoi. Ou, voilà, mettre plus média en règle générale plutôt que jeux vidéo. C'est jeux vidéo qui fait mal. Après, ils avaient peut-être envie de parler du jeu vidéo et c'est tout. De toute façon, la cible, on la connaît. Hein. C'est Fortnite et c'est tous les jeux téléphones mobiles style Clash of Clans, des trucs comme ça, où le gamin il joue à ça et puis on ne peut jamais les arrêter parce que c'est fait pour continuer. Et toi, Johan, t'en penses quoi, toi ? T'es addict aussi ? T'es comme moi ? Ouais, voilà, je suis drogué depuis 25 ans. Hein, D'accord. Ça fait beaucoup, quoi. Bah ouais, moi, je suis de la génération de la toute première PlayStation et de la Game Boy, la grise, là. Donc, je veux dire, j'ai dû avoir 5 ou 6 ans, jouer à Rayman, le tout premier, là. Un jeu, une drogue horrible aussi, hein. Ouais. Non, moi, je trouve ça, ouais. Je trouve ça quand même très glauque, très honnêtement, quand même, de mêler. Alors, il peut avoir des addictions en tout. Enfin, on peut être drogué au cinéma, on peut être drogué à la musique, on peut être drogué à énormément de choses. Si on allait par là, enfin, drogué, addiction, je veux dire. Mais je trouve quand même que de mêler le jeu vidéo avec, enfin, l'alcool est une drogue. Enfin, en tout cas, pour ceux qui, il y a quand même des cures de désintoxication pour ça, au même titre que l'héroïne et compagnie. Enfin, je veux dire, là, on parle de choses, puisque là, on est addiction et alcool, donc je veux dire, on rentre dans ce processus-là, en fait. Dans ce qui est physique. Donc, il y a quelqu'un exactement qui est alcoolodépendant, où on compare ça quand même. Il y a une étude anglaise qui disait, en Angleterre, bon, après, on me dira c'est l'Angleterre, mais où ils ont, c'est vrai, un problème d'alcool assez important. Moi, ils expliquaient quand même que dans un foyer. Oui, en plus, c'est pas normal, en général, voilà. Ouais, puis ils quittent l'Europe et exactement. Tout. Exactement. Mais qui quand même expliquait, en tout cas, que pour les familles qui étaient victimes d'un père alcoolodépendant, c'était plus grave qu'un père qui serait dépendant d'héroïne, quoi. Que, en gros, dans les familles, l'alcool crée plus de ravages que certaines drogues dures. Alors là, c'est pour l'Angleterre. Je sais pas si c'est vrai. Exactement, tout à fait. Bah, c'est ça que maintenant, les pubs, à partir, je crois, de 22 ou 23 heures, ils servent plus d'alcool. Enfin bon, ils ont plus des, mais justement, des mesures de santé publique. Et là, quand même, je veux dire, comparer le jeu vidéo avec justement ce genre d'addiction qui crée des problèmes de santé publique, c'est quand même vachement grave, quoi. Enfin, c'est dire, un amalgame, à un moment, c'est un amalgame. Moi, je trouve qui est quand même terrifiant. Puis bon, alors après, là, c'est le drogué que je suis, que nous sommes sûrement. Ouais. Bon, en plus, le vidéo, je le vois un peu comme le 8e art, plus que comme un média. Enfin, moi, j'ai pas envie de coller le jeu vidéo. Enfin, moi, qui suis fan de Miyazaki, des From Software et de Bloodborne. Je me vois pas comparer Bloodborne aux anges de la télé-réalité quand on parlait justement dans l'horreur, c'est similaire quand même. Ouais, non mais d'accord, mais bon, c'est compris quoi. Je veux dire, enfin, à un moment, je pense que, enfin, ouais, s'ils voudraient cibler les addictions, en effet, ils pourraient aussi beaucoup parler de ça. Mais enfin, on parle toujours de jeux vidéo. On se rappelle de Trump qui disait que s'il y avait eu une tuerie, je sais plus laquelle c'était dans un lycée ou un collège, je crois que c'était l'année dernière, que c'était parce que le jeune était un violent qui jouait aux jeux vidéo. Enfin, on l'entend à chaque fois. En même temps, celle-là, elle est facile parce que tout le monde joue aux jeux vidéo. Il y a une des tueries qui a été assimilée à Batman 3 aussi. Oui, exact. Et puis l'autre, c'était certainement du GTA, je pense. Oui, GTA. Enfin, mais même avant ça, hein, avant qu'il n'y avait pas les jeux vidéo, on disait que, alors c'était au début des années 2000, on disait que si des jeunes avaient tué, c'était parce qu'ils écoutaient Marilyn Manson ou Slipknot, quoi. Enfin, je veux dire, on entend des trucs. Enfin, moi, au bout d'un moment, je suis désolé, mais je pose le cerveau, quoi. Oui, mais je pense. Pas, quoi. C'est tellement absurde. Que, c'est prendre les gens pour des cons complètement. Ouais. Tout à fait. Alors qu'il y ait des problèmes d'addiction après. Ouais, c'est user l'ignorance, tout à fait. Voilà. Après qu'il y ait des problèmes d'addiction, ça peut se comprendre. Mais à ce moment-là, il faut vraiment le cibler sur le jeu vidéo, sur la réalité, etc. Mais en faire un impératif de santé publique, quand même, titre que l'alcool et le tabac. Enfin là, moi, je sais plus où on va, quoi. Oui, puis surtout, quand on parle d'addiction, c'est drôle, hein, parce qu'ils ont mis. On peut être addict au sport. On peut être addict au cinéma, on peut être addict au livre, à lire, à la lecture. Et c'est rigolo parce que la dernière fois, donc mon fils, on l'avait engueulé justement parce qu'il était à fond sur Fortnite ou sur Minecraft. Et finalement, Minecraft, je trouve pas ça complètement bête parce que finalement, il fait de la construction, c'est un peu le jeu de Lego qu'on avait nous, mais sur un écran, certes. Ouais. Du coup, je lui ai dit stop, là maintenant, stop, t'as assez joué, t'as fait ta journée. Il me dit ok, il prend son téléphone. Je dis non, mais oh, t'as pas compris, je t'ai dit stop, tu arrêtes, tu lâches YouTube aussi. Ok, il va sur les réseaux sociaux. Je dis non, stop, tu arrêtes, stop. Là, il a pris son bouquin, il est dans sa chambre, je ne l'ai pas revu. Donc au final, tu te dis mince. Donc c'est là où l'addiction, finalement, elle peut s'appliquer sur quasiment tout. Parce qu'il y a des gens qui vont être addicts à... Le père de famille qui va être addict à la planche à voile, par exemple, et qui va se barrer tout le week-end ou toute la semaine avec ses potes faire de la planche et délaisser sa famille parce qu'il ne vit que pour ça. Il y aura une sorte d'addiction. C'est là où ils auraient dû rester beaucoup plus généralistes sur le titre en parlant peut-être... on comprend l'idée qu'ils ont voulu amener ce souci... ce nouveau souci qui arrive avec les médias qui n'est pas nouveau parce qu'on a grandi avec tout ça, nous. On s'est fait tabasser. Si l'État veut s'occuper de ça, à mon avis, c'est pas en communiquant aux parents, en leur disant attention, vous avez vu, c'est dangereux et tout ça, jeux vidéo, c'est comme drogue. Il ferait mieux d'aller carrément au niveau de l'Europe et puis de voter des lois qui bloquent peut-être certaines pratiques de création de jeux qui sont faites volontairement pour devenir addictives. Ouais, tu vois, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Alors effectivement, tu parlais tout à l'heure de quand tu vas chez le médecin, les parents qui vont lire les brochures. Ils vont se dire, oh là là, mon fils, faut pas qu'il joue aux jeux vidéo, tout ça. Enfin, les parents qui sont censés être concernés par ce problème-là, aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'ils aient pas touché une manette. Hein. Donc je pense que le jeu vidéo, ils savent déjà ce que c'est. Bah, oui, mais il doit exister encore peut-être des familles qui... avec des enfants qui ne sont pas capables de juger Entre avoir touché une manette de jeu vidéo en étant parent et puis connaître justement tous les rouages de l'aspect commercial et addictif des free-to-play que tu as sur un téléphone portable qui ont évolué de manière assez, assez alarmante depuis ces dernières années, il y a une grosse différence. Hein. C'est plus Mario, hein. C'est plus le jeu que tu termines. C'est plus les mêmes jeux. Persévérant, etc. Non, non, là, c'est du farming bas du front. C'est du clicking, quoi. Enfin, c'est fait pour te faire cliquer. Connexion quotidienne, etc. Ça. Et puis voilà. À l'image du réseau social, sauf que le réseau social, tu vas scroller ton écran en descendant pour lire des infos qui servent à rien ou des republications de quelque chose qui a été fait. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, tu vas cliquer avec plus ou moins d'intérêt pour faire de la collecte, etc. Donc c'est quand même plus. C'est quand même plus ludique, entre guillemets, que de scroller ton écran pour voir des jeux de mots pourris ou des chats, ou tu vois ce que je veux dire. Donc je suis à la fois d'accord dans le sens où effectivement tu as ce côté addiction, ce sentiment et ce besoin, cette incitation à revenir tous les jours, parce que comme tu disais sur Candy Crush, si tu joues tu vas avoir tant de vie, et puis le truc il te dit bon ben reviens dans 2 heures, je t'aurai redonné une vie gratuite ou t'auras refait le plein de vie, tu pourras rejouer, etc. Donc c'est effectivement cette incitation à te reconnecter en permanence qui est dangereuse, plus que le jeu en lui-même, enfin plus que la pratique du jeu vidéo en lui-même. Là-dessus, c'est le jeu, c'est pareil, on parle de jeu vidéo, mais finalement le jeu vidéo c'est quoi? C'est comme si on parlait de cinéma. Le cinéma est donc dangereux. Il y a certains films qui vont peut-être influencer des gens qui sont plus influençables, on va dire. Mais est-ce qu'il faut punir tout le cinéma parce qu'il y a certains films qui sont plus risqués? C'est là, le jeu vidéo, il y a certains jeux où on peut enregistrer quand on veut, on peut s'arrêter quand on veut. Il y a certains jeux où on apprend énormément de choses. Je pense rien qu'au niveau historique, même si c'est pas toujours fondé, des Assassin's Creed, ou alors ça, après il y a l'âge. Ah ouais, mais Origins. Mais par exemple, il y a des choses historiques qui sont des profs d'histoire te diront que oui, il y a des trucs qui sont très intéressants. Origins, ils ont fait un mode exprès juste pour ça. Exactement. Un mode balade où tu vas visiter la pyramide de Gizeh, etc. Avec en plus des petites fenêtres qui pop, qui te racontent tout un tas de choses. Donc, on en revient au PEGI qui devrait, du côté parent, devrait être respecté. C'est pas facile parce que quand ils arrivent au collège, ils jouent déjà à des jeux PEGI 18. Hein. Quand ils sont en quatrième, après ton PEGI, c'est bon, quoi. Ouais, moi j'avais 12 ans, je jouais à GTA. Voilà, mais je veux dire, c'est aux parents, c'est plutôt aux parents de faire attention quand ils achètent un jeu, de prendre chats. Quelque chose qui va faut bien s'amuser, prendre quelque chose qui va plaire à leur enfant, quoi. En tout cas, vaste sujet. Le truc, c'est que moi personnellement, je l'ai pas lu cette brochure, j'avoue, mais je serais curieux quand même de voir un petit peu son contenu et voir s'il y a pas. Au-delà d'un titre un petit peu putassier, hein, faut bien le dire, s'il n'y a pas quelque chose derrière qui est plus intéressant que ça et plus nuancé. En tout cas, c'est ce que j'espère. Parce que sinon, on peut dire, comme disait Johan, que c'est glauque, quoi, de tout mélanger, quoi, l'addiction. Ce qui me dérange, c'est un peu comme un article de presse. C'est qu'on retient le titre, comme tu dis. Oui, et on lit pas l'article. Et le souci, les titres ont du poids. Et le problème, c'est ça, c'est que dans la tête des gens, il y en a combien qui vont lire l'article sur un pourcentage de ceux qui vont se retrouver face à la brochure. Oh bah, on le voit bien sur Facebook, hein, sur notre groupe, hein, c'est-à-dire que les gens s'arrêtent au titre. Ils s'arrêtent au titre. Même pas cliquer. C'est ce titre, moi, qui me dérange, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il y ait deux brochures, parce qu'au moins. C'est que les personnes, ils vont voir le titre, ils vont dire les repas de famille de Noël, la vieille tante qui va arriver, moi j'ai vu que le jeu vidéo c'était comme l'alcool et le tabac. Voilà, c'est ce côté-là qui me dérange et c'est pour ça que j'aurais aimé. Elle te dira ça en fumant sa clope. Exactement, tout à fait, en buvant son verre de vin. Son petit blanc. Elle dira oui, mais pour les enfants quand même, ils boivent pas d'alcool. Toi, t'es ivre. Mais voilà. Ouais, ça marche pas, ça. Bon. Très bien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du jeu vidéo, on peut apprendre des choses, ça faut pas l'oublier, notamment grâce à des studios comme Immersive Education. Et d'ailleurs, Laurent, tu voulais en parler parce que, en plus de nous apprendre des trucs, ils ont une grande gueule. Alors, une grande gueule, je sais pas. En tout cas, c'est ce matin, donc on est. On parle beaucoup. Ils ont un peu trop parlé. Alors, d'un côté, ça fait plaisir parce que en ce moment, des news sur le PSVR, il n'y en a pas des masses. On a l'impression que depuis qu'ils ont commencé à ouvrir les robinets PS5, parce que le PS5 ne s'arrête pas, ça jubilément, on en parlera tout à l'heure. Par contre, au niveau du PSVR, on a l'impression que les robinets sont fermés, il n'y avait plus rien. Et donc là, en se rendant compte de c'est une lettre aux investisseurs qui a été publiée sur le site officiel de VR Immersive Education. Et donc, en regardant, c'est David Whelan, donc le directeur, qui a dit, je cite, donc à l'intérieur de la lettre, il y a un chapitre qui concerne le casque PlayStation VR de Sony. Et donc, mot pour mot, il dit, en 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et une nouvelle version du casque PlayStation VR PSVR, ce qui élargira encore la base d'utilisateurs VR haut de gamme. Le groupe a l'intention de soutenir cet appareil avec sa suite actuelle de logiciels de démonstration. Alors déjà, il ne parle pas au conditionnel. Il dit, ouais. En 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et le PSVR 2. On va l'appeler comme ça, on ne sait pas encore son nom. Et donc, on a partagé le truc parce qu'on a trouvé ça un peu dingue. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? 2020, ça paraît quand même une date qui est relativement proche, surtout que Sony n'ont jamais communiqué sur le PSVR 2, mis à part une fois où ils ont dit que le PSVR 2, donc ils n'ont même pas dit ça, ils ont dit le prochain casque PlayStation VR ne sortira pas en même temps que la PlayStation 5. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. PlayStation 5. Donc ils avaient dit ça. Et là, du coup, forcément, si la PS5 déboule, mettons, en novembre pour 2020, ça laisse pas beaucoup. Donc c'est là où on se dit. C'est pas bien crédible, quoi. C'est bizarre. Le mot lancé, ça peut être aussi une annonce. C'est pas forcément. C'est ce que je me disais aussi, c'est comment vendre. Parce qu'on a une partie des joueurs, nous, qui sont exclusivement VR. Un pourcentage, c'est pas une majorité, je pense pas. Il y a des joueurs qui ont acheté le casque avec la PS4 Pro ou la PS4 pour jouer à la VR. Et ces gens-là, ils ne précommanderont pas de PlayStation 5 s'ils ne savent pas qu'il y a un PSVR 2 qui déboule derrière. Donc, je peux répondre. Oui. Alors moi, j'ai fait ça, j'ai acheté une PS4 pour le PSVR. Oui. Mais par contre, je prendrai ma PS5 quand même pour jouer avec mon PSVR premier du nom, hein, même s'il n'y a pas de... Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont annoncé, Sony a clairement annoncé, ça c'est par contre parfaitement officiel, que le PSVR sera bien compatible avec la PlayStation 5. Mais au final, si tu as déjà une PS4 Pro et que tu sais que le PSVR 2 est pas sorti, il y a une partie des joueurs qui vont se dire je vais attendre le PSVR 2 pour me prendre la PS5. Non, parce que tu auras quand même des jeux VR qui seront retranscrits. En fait, moi, j'aime pas cet amalgame parce que faut pas oublier que le PSVR, c'est un écran, c'est une télé. Ah oui, c'est un écran. C'est ni plus ni moins que ça. Donc aujourd'hui, tu peux retranscrire n'importe quoi puisque tu peux même jouer à tes jeux en flotte sur ton PSVR. Bon, c'est pas en VR, mais tu peux jouer quand même dessus. Oui. Donc c'est ni plus ni moins qu'un écran. Donc en fait, qu'est-ce qui va changer? En gros, ce qui va changer, c'est on sait pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, avec le PSVR 2, tu auras une meilleure résolution, tu auras peut-être un tracking différent, etc., parce qu'on sait pas trop sur quoi ils sont partis. Un meilleur confort, peut-être. Mais tes jeux, même si tu as des jeux VR qui sortent sur PS5, tu pourras quand même y jouer avec ton casque d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est là où la question se pose, c'est que si par exemple, on a bien vu ce qui s'était passé avec la génération PS4, PS4 Pro, pour un développeur, c'est super compliqué de sortir, il faut qu'il pense à la fois le jeu sur la PS4 Pro et à la fois sur la PS4. Ces mêmes développeurs qui sont en train de faire des jeux next-gen, on a vu que par exemple London Studio était déjà en train de recruter pour des jeux sur la next-gen, est-ce que eux, ils vont se dire, alors eux c'est Sony, donc ils vont forcément se dire on va faire le jeu pour la PS5, on va faire le jeu pour la PS4 Pro, on va faire ce même jeu pour la PS4. Mais est-ce qu'un petit studio de 3 développeurs va se dire, wow, putain, il va falloir faire 3 versions, on n'aura jamais le temps de le faire? Donc ils vont se centraliser sur la console qui est la plus vendue, donc ça va être la PS4. Et dans ce cas-là, est-ce que tant que le PSVR 2 ne sera pas arrivé, est-ce qu'il y aura tant de jeux que ça qui vont sortir sur PS5 en VR? Le problème restera le même, c'est que même si le PSVR 2 y sort, sur PS5, il faudra aussi que les gens l'achètent derrière. Oui. Est-ce que tu penses que tout le monde va l'acheter Day One? Je pense pas. Donc à mon avis, il faudrait mieux qu'ils se concentrent sur le fait de faire des jeux PS5 pour les gens qui ont le casque standard aujourd'hui. Ouais. Et se servir de ça, si tu veux, pour inciter les gens à racheter une PS5 et à la limite un PSVR d'occasion pour entrer dans la VR et tout ça, de manière à massifier un peu le parc de casques VR sur la PlayStation 5. Voilà. Et ensuite de sortir leur version 2 qui, elle, sera faite plus pour des mecs comme nous, où ça fait déjà 3 ans qu'on est dessus, et où ceux qui veulent se lancer dans la VR avec le top du top dès le départ. Enfin voilà. Mais il faut aussi voir ce côté-là où tu peux pas te contenter. De toute façon, c'est le même problème que quand la VR a été lancée, c'est que tu peux pas te contenter de tout donner dès le départ sur la plus petite. Non, non, non, mais ils le feront pas de toute façon. Il y a peu de chances qu'ils balancent le même jour. Ça change tellement d'avis souvent que je sais plus. Mais disons que dans la logique du truc, le gros avantage de Sony aujourd'hui, c'est qu'ils sont seuls sur un marché de consoles. Et surtout que le PSVR, maintenant, qui a fait ses preuves, qui est là depuis 3 ans et demi, ils sont tout à fait capable de le balancer à un prix qui défie toute concurrence pour justement faire introduire la VR dans tous les foyers. Je ne sais pas si vous avez vu, il est proposé à 99 euros. Ouais, ce que j'ai dit, 99 euros le PS5 première génération. PSVR première génération. Donc c'est le point fort, c'est que n'importe qui achète une PS5 va se dire, tiens, pour le prix, on va pas dire le prix d'un jeu, mais on va dire 99 euros. Ce qui est quand même accessible, ils vont pouvoir tester la VR sur PS5, et après, si vraiment ils disent « putain, c'est génial », il y a un autre effet à ça. C'est que ça va faire baisser la cote de l'occasion. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'un PSVR, parce que moi j'en ai pris un il n'y a pas longtemps, je l'ai payé 100 euros d'occasion, donc si tu le, pour la première version, ouais. Donc si tu le trouves aujourd'hui à 100 euros neuf, tu fais quoi? Tu le divises par deux d'occasion, ça fait 50 balles. Ouais, c'est ça. À 50 balles, vu le nombre de parcs PS4 qui sont implantés ou même de PS4 Pro, je pense que tu as un maximum de gens qui vont, se dire « Attends, c'est bon, 50 balles, je vais y aller, ça. On va voir ce que ça donne. » C'est le discours qu'on avait quand on parlait de Nintendo avec Nintendo Labo et les casques. C'était d'introduire la VR au plus bas coût possible, comme pour des Dreams, comme pour des choses comme ça. Là, maintenant, si vraiment la PS5 tient ses promesses et que derrière, on se retrouve avec tous les joueurs PS4 qui se récupèrent la PS5, pas tous en même temps, hein, mais régulièrement, derrière, ils peuvent tester la VR pour un coût, quitte à même mettre, sortir un jeu et mettre un casque, sortir un jeu et mettre un casque avec. Quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, vous y croyez, vous, quand même, là, concrètement, quand vous avez une information comme ça qui tombe d'un studio... Qui dit voilà, la prochaine version du PSVR va sortir en 2020. En gros, c'est ça qu'ils disent. Hein. En tout cas, ça, c'est l'information qu'on garde. Vous y croyez-vous ou pas? Je ne sais pas comment ce serait possible, franchement. 2020, Sony lancera la PlayStation 5 et une nouvelle version du casque donc pour cette année. Moi, j'y crois pas. Ça va à l'encontre de ce que Sony a annoncé déjà. Il me semble. Hein. Par contre, ils peuvent très bien... Moi, ce que je crois, par contre, c'est qu'ils vont nous montrer le design de la PS5, nous montrer la fiche technique, tout ça, parce que les précommandes, elles ne vont pas démarrer dans 6 mois, hein, elles vont démarrer dans pas longtemps. Et par contre, ce qui est possible, c'est qu'ils vont nous parler du PSVR 2. Ils vont nous dire... qu'ils vont commencer à bien communiquer et à donner quelques spécificités. Voilà, ils vont nous dire... Voire même les évolutions... En fait, il suffit juste qu'ils nous disent il y aura bien un PSVR 2, clairement. Et à partir de ça, pour moi, ils ont annoncé le PSVR. Pour moi, ils ont lancé le PSVR. Il y a certaines personnes pour qui lancer un truc, ça va être la commercialisation de la PS5. Oui, c'est ça. D'autres, lancer un truc, c'est lancer une campagne marketing sur un produit. Donc, c'est un peu ambigu. Ouais, mais la méthode de communication de la VR et des jeux normaux, c'est pas la même. Non. Faut la jouer un peu plus en sous-marin. Ouais, de toute façon, je t'ai toujours dit, le fait qu'ils balancent des brevets à tire-larigot comme ça à public, pour moi, c'est une manière de communiquer induite pour pas se faire lyncher. C'est pas officiel, mais pour moi, c'est ce qui va se passer. C'est que si ça se trouve, dans les semaines à venir, on va avoir un petit mot sur le PSVR 2. Juste une phrase. Pour l'instant, on en officiel. Voilà, officiel. Vraiment officiel. Une phrase qui va dire. Alors, il y aura, mettons, une conférence qui va durer 1 heure. Et puis sur cette heure, eh bien, il y aura 30 secondes où ils vont dire le PS5, la PS5 sera avec le PSVR 2, point. On n'en sait pas mieux, on ne voit rien. Par contre, à partir du moment où ils disent cette phrase, eh bien, tous les fans de VR qui en ont un peu marre des PS Move, qui en ont un peu marre, ils vont se jeter sur la PS5. Quoi. Alors franchement, les PS Move, on s'adapte quand même. Oui, mais bon, on est bien d'accord que par rapport à des Knuckles, c'est... Ah, il manque un joystick, c'est sûr. Mais ah oui, bon, maintenant, ils se sont un peu tous... Enfin, on n'en parle pas assez. Enfin, je vais en profiter pour en parler, parce que je trouve qu'on ne le fait pas remonter assez. Mais les studios, ils ont quand même pris le pli un peu à trouver des méthodes de contrôle de manière et tout. Et franchement, ça, il faut quand même avec un handicap, ça fonctionne. Avec un handicap, il y en a qui font des merveilles. Voilà, ça fonctionne. Quoi. Je pense à Stardust Odyssey, qui m'ont impressionné. Ouais, même No Man's Sky, ouais. Hein, franchement, il est d'une intuitivité. Mais ces mêmes studios, tu leur donnerais les moyens avec un stick ou avec quelque chose. Putain, mais. Disons qu'ils ont. On est d'accord, mais quoi. N'oublions pas que le but de PlayStation, c'était aussi de proposer de la VR, entre guillemets, à moindre frais, quoi. C'est ça. Avec des technologies déjà existantes qui, si jamais ça fonctionnait pas, ils n'allaient pas couler la boîte, quoi, tu vois. Bah, c'est ça. Pour le coup, ils ont quand même bien géré le truc. Bien joué leur carte. C'est des trucs le plus intelligent à faire. Hein. Ah bah. Ouais, mais c'est parce que ça leur a beaucoup été reproché au début. Au début, même encore. Mais parce que la PlayStation Caméra, c'est la même que la PS3, pardon. Non. Ah si. Au début, c'est pas la même. Au début, si c'était la même. Non, si. La carré. Ah mais si, je vous assure les gars. Si, la carré. Certain. Mais je vous assure que si. Si, au début, si. Ah, il y a Discord. Je vous assure que si. Attendez, non, ça dépend quoi. Quand on parle de la PlayStation Caméra, on parle de laquelle aussi. Ah, mais tu parles de la iCam, la petite, qui était sur PS3. La iToy. La iToy, c'est la PlayStation 2, il me semble. Après, sur PlayStation 3, ouais, ils ont appelé PlayStation Caméra. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle était sur une base carrée, elle. Celle-là, elle est compatible avec le PSVR, c'est ce que j'ai à la maison. C'est ça. Et après, ils ont réutilisé les moves. Et après, les cylindriques. Ouais, c'est ça, la nouvelle est cylindrique, tout à fait. Mais est-ce que quand la PlayStation 4 elle est sortie, elle était présentée avec le pack Killzone, il me semble, dans la caméra là, qu'ils avaient développé. Ils en avaient parlé, elle est sortie un petit peu plus tard, puisqu'ils l'avaient mis entre guillemets un tout petit peu en frontal face au Kinect de Microsoft. Et bon, ça faisait pas le café, quoi, on va dire. Donc bon. Mais oui. il me semble que c'est sorti vraiment dans les 6 premiers mois avec la PlayStation 4 et caméra. Je m'en souviens. Sur la PS3, je me rappelle que j'avais la PlayStation Eye, qui était avec iPad, par exemple. J'avais justement la boîte. J'avais justement ce jeu-là. Ouais. Petite caméra avec le gros micro qui est dessus, là. Et je l'ai encore. Il me semblait justement que la dernière version de la caméra de la PS4 avait uniquement ça qui fonctionnait dessus. Et justement, c'était pas une version. Enfin, c'était pas la même que sur PS3. Il me semblait pas, en tout cas. Comme dit Laurent, c'est la carrée. Elle est cubique. Oui. Alors peut-être que. Alors attends que je me souviens. D'accord. Elle coûtait 80 balles ce caméra. Ah, peut-être qu'au début de PS4, quand ils ont sorti le. Non, pas au début de PS4, quand ils ont sorti le PSVR, ils ont sorti cette caméra en version carrée alors. Ça, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas l'avoir fait tourner sur PS4 avant que le PSVR sorte. Mais. Peut-être pour les moves. Hein. À vérifier, je ne sais pas. Enfin, sur PlayStation 4, en tout cas, il y a bien eu deux versions de la PlayStation Caméra. Hein. Ouais, la PlayStation Caméra et la V2. Ouais. La première était carrée, elle est arrivée dans les 6 premiers mois, ouais, c'est bien ça, de la PlayStation 4. Et l'autre, après, est arrivée, la version 2, avec la version 2, justement, aussi du PlayStation VR, en fait. Oui, c'est ça. Version, voilà. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà, donc okay. c'était ça. En fait, la seule chose qui change, c'est qu'en fait, elle devient ronde et qu'elle a un support. On peut la mettre sur la télé, c'est pas juste un truc carré qu'on pose dessus, un peu comme la Sense Bar qu'il y avait sur la Wii là. Ouais. Voilà. Excuse-moi Yohan, t'as dit quoi? T'as dit que c'était venu avec la version 2 du PlayStation VR? Ouais, enfin il y avait un tout petit changement, ils avaient fait un truc, je sais plus ce qu'ils avaient fait dessus. Moi j'ai la V1 et ma caméra elle est ronde. Alors, je crois que c'est la V2 que tu as. Oui, la ronde, V2, c'est la V2. C'est la ronde, c'est la V2, ouais. Ouais. Non, moi, la mienne, elle est sur une base carrée. Et la carrée, c'est la V1. C'est ça, voilà, tout à fait, ouais. Bon, bref. Enfin, bon, là, bon. Non, mais c'est, tout ça c'est pour dire... Tout ça pour dire que en fait c'est de la vieille techno qu'ils ont réutilisé et ils ont bien fait quoi. VR Immersive Education, donc c'est quand même une société spécialisée dans la création d'expériences de réalité virtuelle. C'est même ils font rien d'autre, ils font que ça, ils font que de la réalité virtuelle. Donc on se dit que même s'ils ont fait une bourde, admettons ils ont fait une bourde, ils ont balancé cette phrase alors qu'ils vont se faire taper sur les doigts par Sony. Est-ce que ils sont pas informés de leur côté, parce que de leur côté ils doivent quand même avoir des contacts pour avec des gens de Sony pour être dans le store. Est-ce qu'il n'y a pas eu une fuite de quelqu'un du store qui leur a dit « Vous inquiétez pas, ça ne va pas tarder à arriver » Et eux, ils ont interprété ça comme ça et ils ont balancé ça sans savoir que ça allait faire autant de remue-ménage. Ça leur fait de la pub en même temps. Donc, bon, il n'y a pas de fumée sans feu, ils se sont peut-être plantés, mais ils sont quand même un minimum informés. Maintenant, savoir lequel arrivera avant le bœuf ou la charrue, pour moi, c'est pas possible qu'ils sortent les deux en même temps. Quoique, coup à coup, nous ont quand même balancé des kits à 900 balles, et c'est pas impossible qu'ils nous fassent un kit PS5 plus PSVR. Parce que c'est quand même coup à coup, quoi. C'est pas n'importe qui. Alors, ça se pourrait. Ça pourrait sortir en même temps que la PS5. Mais ça alors, pour moi, il faudrait que ça soit compatible PS4. Oui. Et encore une fois, pour moi, c'est possible. Puisque rappelons qu'un casque VR, c'est un écran. Ah oui, c'est un écran, un système de tracking. Ouais. La seule chose qui pourrait bloquer, c'est qu'au départ, parce que ça, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais rappelez-vous, au départ, c'est Arnie, il avait dit qu'ils essayaient d'inclure le boîtier déporté du casque VR dans la PS5. Si oui, oui, oui. Le processeur. Ouais. Sauf qu'apparemment, ils ont pas pu. Enfin, vraisemblablement, ils peuvent pas. Donc, la seule chose qui pourrait bloquer une adaptation du PSVR 2 sur la PS4, ça serait que ce fameux boîtier soit déjà introduit dans la PS5 et qu'ils n'en aient pas prévu un déporté, si tu veux. C'est ce qui pourrait bloquer. Mais par contre, ils peuvent le lancer, comme je te dis, ce serait pas con de le lancer en même temps que la console et de dire qu'il est compatible et sur PS4 et sur PS5. Oui, ça serait peut-être un gros investissement. Déjà, ils vont devoir investir un maximum de blé pour la production de la PlayStation 5. Est-ce que tu penses que financièrement, ça serait intéressant, eux, de lancer aussi la fabrication du PSVR 2 dans les usines en même temps? Déjà, ils n'auront pas besoin d'en fabriquer autant que de consoles. Et je pense que ça pourrait permettre d'avoir deux gammes de casques VR et d'avoir deux gammes de consoles. Faut pas non plus perdre le public, hein, enfin les acheteurs potentiels. Hein, parce mais tu que le perds tu... pas à partir du moment où l'utilisation est commune. Vois les casques qui sont faits sur PC, t'as plein de casques qui sont plus ou moins bons, qui ont une meilleure résolution ou des capteurs différents, etc. et qui ont une base commune de jeu. PC, ça sera toujours un petit peu moins grand public que l'univers console. C'est pour ça que je te dis que tu vas avoir une version haut de gamme du casque avec une meilleure résolution de ta dalle, pas de fil, etc. Et une version de base qui est déjà bien amortie du fait de son nombre de ventes, si tu veux, que tu peux vendre beaucoup moins cher de manière à rendre la VR accessible à tout le monde. Mm-hmm. Et ceux qui en veulent plus et du top, ils peuvent avoir la véritable question, c'est que Sony, ils ont des chiffres qu'on n'a pas. Et quelle est la moyenne d'âge d'un joueur PSVR aujourd'hui? C'est plus de 18 ans. Voilà, si c'est quelqu'un dans la vie active, ce sera différent que. Parce que le jeune, lui, il va avoir une PS5 à Noël et il aura le casque Noël suivant. Qu'il pourra rentrer en VR avec un PSVR pour pas cher. Ou à son anniversaire, voilà. Si c'est pas cher. Après, je pense quand même qu'ils veulent pas se faire de l'ombre avec la VR, qu'ils vont rester tranquilles avec la PS5, qu'ils vont la balancer. Par contre, je serais pas étonné que 3 mois plus tard, ils nous annoncent un PSVR 2. Quoi. Mais ça serait d'autant plus bizarre qu'ils n'ont jamais communiqué dessus de le lancer comme ça. C'est ça. Non, ça risquerait en plus de passer inaperçu parce qu'il faudrait quand même monter la sauce avant de sortir quelque chose comme ça en fait. Et la PS5 arrivant novembre-décembre 2020, ça paraît évident que le casque il déboulera en 2021. La véritable question, c'est est-ce qu'il arrivera 6 mois après la sortie de la PS5, donc la commercialisation, 6 mois après la sortie de la PS5, ou est-ce qu'il arrivera au Noël suivant, donc un an après. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que des développeurs comme ça, qui ont forcément des contacts et des liens avec, même si c'est des petits développeurs indépendants, à partir du moment où ils ont un jeu qui arrive sur le store, de toute façon, ils ont des contacts avec Sony, parce que Sony, ils vont vérifier leur jeu, ils vont tester leur jeu, qui balance ça, c'est que lui, pour son entreprise, il s'inquiète, il se dit, mince, toute notre entreprise dépend de la VR, donc il développe aussi pour Quest, il développe aussi pour d'autres casques, mais il se pose aussi la question sur, il y a forcément un moment où ils ont posé une question, on leur a répondu positivement, et eux, ils n'ont pas eu forcément Ils n'ont peut-être pas eu la date de sortie du PSVR, mais eux ont confirmation qu'il y a bien un PSVR 2 dans les tuyaux. Et du coup, il a balancé ça pour calmer ses investisseurs, parce que forcément, les mecs, ils disent la VR, c'est mort, et c'est toute l'entreprise qui peut se casser la gueule. Donc, et tu parles du Quest, est-ce que le PSVR 2, il pourrait pas être un peu nomade ? Ah ben, tous les brevets, tous les brevets vont en ce sens-là, hein, pour l'instant. Avec le port cartouche, peut-être. Je sais pas. On ne sait pas si ça sera sur le casque, mais moi, je verrais bien un truc comme ça. En fait, là, hein. Là, pour moi, c'est du sans fil. C'est du donc c'est du Wi-Fi, mais à 60 Hz. Est-ce que tu peux nous faire un peu le bilan, du coup, parce que on en a vu tellement des brevets des trucs. Ce qui revient fréquemment. Les plus flagrants. Eye tracking. Ouais. Alors ça, c'est un truc de dingue. Des brevets, il doit y en avoir, on va dire une 25 facile. Rien que sur l'eye tracking, avec chaque fois des petites fonctions. Le sans fil, il y est aussi quasiment sur tous les brevets. Parce que, alors, ce qui est marrant, c'est que sur chaque brevet, ils reprennent un peu toujours les mêmes visuels pour illustrer un PSVR. Bien souvent, c'est le PSVR qu'ils utilisent. Sauf qu'il n'y a pas de fil. Il n'y a pas de fil sur aucun brevet. Hein. Ça, c'est clair. Le brevet intéressant, le plus intéressant sur ce sujet du sans fil, c'était d'utiliser donc, du Wi-Fi en 60 Hz. Donc, qui est un Wi-Fi qui est à faible portée. Par contre, le brevet, dès que tu quittais la pièce, en fait, et que un mur en 60 Hz peut poser problème, donc c'est 8 gig. Donc dans ce cas-là, tu passes en 5 Hz, donc le Wi-Fi traditionnel qu'on connaît, ce qui te permet dans ton casque, par exemple, si tu visionnes une vidéo, ta vidéo continuera à fonctionner pendant que tu iras chercher un casse-croûte dans le frigo, et quand tu reviendras dans la pièce, poum, tu vas rebasculer sur le 60 Hz pour récupérer une image 4K depuis la console. Donc ça, c'était un des brevets intéressants là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les caméras, elles y seront aussi. Apparemment, il n'y aurait pas de système de tracking externe. Ce serait vraiment intégré au casque. Non, pour moi, ça va plus ressembler à un Quest, mais un Quest qui va récupérer les images de la console, en fait, qui va streamer. Les images de la console par un Wi-Fi. Pas vraiment un Quest, du coup. Bah, si, parce que le Quest va le faire. Ouais, mais le Quest, tu peux jouer n'importe où. Oui, mais. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas justement aussi peut-être un OS intégré au casque PSVR 2 qui permettrait justement d'avoir une version autonome avec un port cartouche, parce qu'il y a aussi des brevets qui sont sortis là-dessus, pour pouvoir justement transformer ton casque en appareil mobile. Alors niveau des cartouches, on a vu que les cartouches qu'ils ont amenées en brevet, c'était un jeu, en fait. C'était, je ne me rappelle plus du nom du jeu, un jeu Sony qui est sorti au Japon. Par contre, c'est vrai qu'il y a les derniers brevets qui sont sortis le 9 janvier, là, ils parlent encore de cartouches, de cartes mémoire. Donc pourquoi pas avoir des petites cartes un petit peu ce qu'on avait sur PS Vita, et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y aurait un système embarqué. Le prix du casque va me faire un peu. Mais c'est plus de 18 ans les joueurs VR. C'est là où la bonne question, c'est quel âge a l'acheteur potentiel de ce genre de casque. C'est sûr que quelqu'un d'une quarantaine d'années va pas rechigner à dépenser 1000 euros là-dedans, alors que. Ouch. Ouais, gilet jaune, mec. Hein. Ouais, c'est ça. non mais sérieusement, en tout cas en France. Oui, mais je veux dire, c'est ce que je dis tout le temps sur cet arrow-là, c'est que même quelqu'un de 40 ans qui n'a pas forcément les moyens, il économise depuis 7 ans pour se payer une PS5. Il a un cochon et il sait qu'il a eu sa PS3, il a eu sa PS2, il a eu sa PS3, il a eu sa PS4. Il n'a pas forcément pris la PS4 Pro, mais depuis la PS4, il sait que là, ça y est, elle arrive et il a déjà une somme de côté. Après, c'est vrai que la VR, c'est quand même une technologie qui est nouvelle. Donc forcément, les gens qui se sont lancés les premiers temps, il y avait quand même 499 balles de PSVR, plus la même somme de PS4 Pro. Là, forcément, tu commences à tomber sur des sommes qui sont inférieures au marché du PC de l'époque, de 2016, hein, je parle. Mais c'était quand même... ces gens-là, maintenant, qui ont 40 ans ou 35 ans, qui sont actifs, si vraiment ils ont percuté sur la VR au point qu'ils ont peut-être déjà prévu depuis quelques années de se faire un cochon pour acheter... C'est vrai qu'au niveau des ventes, le meilleur truc, ce serait de les décaler tous les deux. Parce que ça permettrait de souffler. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui vont y aller cash. Il y en a, ils ne vont pas chercher à comprendre. Ils vont prendre, ah oui, c'est sûr, il y en a, ils vont prendre les deux d'un coup. La dernière fois, je discutais avec un type qui est je ne sais plus quel âge il avait. Il était retraité. Et puis il s'était aperçu en parlant de GT Sport qu'on pouvait faire de la VR et tout ça. Alors il s'est pris le PSVR, la PS4 Pro, il s'est pris un siège, rien que le fauteuil il vaut 1000 balles, un siège de bagnole. Et il a pété un pont. Il a pris le volant, le 300 RS, le levier de vitesse et tout en option, hein, parce que celui qui était d'origine dans le 300 RS, et ça l'a pas inquiété, quoi. Le mec, il dit. Des vérins. Il savait que c'était qu'une option dans GT Sport, la VR. Il ne savait pas le coup. Parce que, après, c'est la désillusion. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment tous les cas de figure, en fait. Maintenant, le plus intelligent pour Sony, c'est vrai que ce serait un minimum de les décaler de 6 mois, voire d'un an, parce que ça permettrait d'un Noël se payer la console, le Noël suivant de se payer le casque. Et puis ça laisserait du temps aux développeurs de faire des bons jeux sur PS5 également. Et surtout qu'on aurait le PSVR qui permettrait de faire la transition. En tout cas, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'on est d'accord pour se dire tous ensemble que la PS5 sortira avant le casque PSVR 2. Oui. Et ce que je vous propose du coup, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'on essaie de nous raconter là, dans les médias, ce que Sony essaie de nous dire avec tout ce qui sort, toutes les capacités techniques en fait, de la console. Moi, personnellement, je panne que dalle. Les teraflops, les virgules flottantes, moi je me suis arrêté aux 16 bits depuis, je comprends plus rien. Donc du coup, c'est pour ça que Yohan d'ailleurs t'es là, pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle a dans le ventre et comment faut comprendre un petit peu toutes ces spécificités-là. Est-ce que tu peux, avec Laurent, nous faire un petit topo ? Laurent, tu commences ou... Je vais faire l'introduction et puis après je te laisse partir. Mène la danse. J'interviendrai aussi. En fait, on a fait un petit article il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est quelque chose ceux qui sont là le savent parce que je rumine là-dessus depuis un moment. Tout est parti. Non, pas du tout. Ça fait même des semaines que je rumine le sujet. Donc, en fait, ce qui m'a frappé au départ, ça a été l'article de Digital Foundry qui a été publié sur le site Eurogamer.net qui a annoncé que la PS5 ferait 9,2 teraflops et la Xbox SX qui ferait 12 teraflops. Sur le coup, comme ça, j'ai pas spécialement plus percuté que ça. J'étais un peu déçu en tant que joueur. Pourquoi j'étais déçu ? Parce que je suis un joueur VR et qu'il n'y a pas de VR sur Xbox. Donc forcément, c'est dommage. La moins puissante des deux, c'est celle qui avait de la VR. Ensuite, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions parce que j'ai dit c'est quand même bizarre. C'est là où j'ai vraiment relu plusieurs fois cet article de Digital Foundry qui montre des choses. Il manque des choses en fait. Il n'est pas complet. Le cœur du problème, donc c'est pour ça que je ne savais pas trop comment commencer. Le cœur du souci, c'est que déjà, au niveau de l'explication, comment ils en arrivent justement à arriver à ces 9,2 teraflops, ils se sont beaucoup appuyés sur une carte, la première carte Navi de AMD qui est sortie à l'E3 de l'année passée, je crois, qui a été annoncée à l'E3 de l'année passée. Ouais. C'est ça, hein, ouais. Juin-juillet. Oui, qui a été annoncée un petit peu avant l'E3, qui a été présentée complètement à l'E3 et qui est sortie en juillet. Voilà. Donc, on parlait des 5700 XT, donc c'est les RX 5700 et les RX 5700 XT de AMD, okay. qui ont un GPU Navi. Donc, ce GPU Navi, on s'y intéressait depuis pas mal de temps déjà, parce qu'on savait que justement, autant la Xbox que la PS5 seraient basées sur cette architecture GPU. Et en fait, dans cet article de Digital Foundry, j'ai plutôt eu l'impression qu'ils avaient pris beaucoup de spécifications de ces cartes-là, alors qu'on sait clairement que AMD ont annoncé clairement, donc là je parle d'une conférence qui a eu lieu en mai, donc bien avant que ces cartes soient annoncées, où AMD avait annoncé justement qu'il y aurait une sauce spéciale, que ce serait pas forcément du Navi comme on a sur ces cartes, qui vont travailler en parallèle et avec Microsoft et avec Sony pour créer un APU, donc un APU, donc c'est le GPU, parce que sur une console il n'y a pas de carte graphique et de processeur, les deux sont ensemble dans un seul processeur, c'est ce qu'on appelle l'APU. Donc, et du coup, ils allaient travailler à concevoir pour chaque client AMD un processeur qui leur seront propres. Donc là, le souci, c'est que cette sauce spéciale, pour l'instant, on ne la connaît pas. Alors comment ils sont capables de sortir ces 9,2 teraflops? C'est le premier déclic qu'il y a eu, c'est là où on a décidé de chercher un peu plus loin. Déjà là-dessus, Johan, vas-y, parle. Non, bien sûr. Non, mais en effet, alors cet article de Eurogamer, il est assez intéressant. Moi, j'ai suivi la vidéo, puis la vidéo qu'a suivi aussi d'ailleurs sur l'APU aussi de la série X de Microsoft, parce que ils sont quand même, enfin, ils s'interrogent quand même beaucoup sur les par rapport à la taille de la puce. En fait, Digital Foundry se sont vachement intéressés sur le fait de dire, mais comment sur une puce qu'ils avaient analysée lors du trailer de l'E3 2019 du projet Scarlett qu'ils avaient fait à l'époque, et se demandaient comment sur une taille aussi, pas petite, mais enfin pas non plus extrêmement grande par rapport aux très gros GPU, Microsoft arrivait à faire tenir un CPU Zen 2, donc qui est quand même comparé aux consoles qu'on a aujourd'hui, à des processeurs quand même beaucoup plus haut de gamme que ce qu'on avait sur nos PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S, etc., etc. Et un GPU aussi massif, avec bien entendu du ray tracing hardware, parce que bon, bah le ray tracing hardware c'est bien, c'est super, mais la problématique c'est que ça prend de la place forcément sur le sur la puce derrière. Donc en effet, moi quand j'ai vu la fuite en question, donc au début la fuite au niveau du processeur, on l'appelait Gonzalo. Mm-hmm. Puis après, on a eu une fuite en nous expliquant que le kit de développement s'appelait Prospero. Ils ont commencé à nous sortir énormément de noms comme ça, alors qu'ils sont liés d'ailleurs à une pièce de William Shakespeare qui s'appelle Tempête. C'est ça. Ouais. Si je ne dis pas de. Non, c'est bien ça. Mmh. Voilà. Et donc voilà. Et bon, et puis après, donc il y a eu tous ces noms de code qui sont arrivés. Et derrière, donc à la fin, tout ça. Donc au début c'était Gonzalo. Après on nous a parlé de Prospero. Puis maintenant on nous parle de Oberon, alors qui est aussi lié à Shakespeare, mais par contre cette fois-ci, il me semble que c'est songe une idée d'été. Enfin c'est plus la même pièce de théâtre. Mais ils se sont dit que ça correspondait bien avec les fuites d'avant de Gonzalo, etc., etc., que c'était certainement la puce de la PlayStation 5. Or, la problématique que moi et qu'on a eue avec Laurent lors de notre discussion avant d'enregistrer ce podcast, depuis bien une semaine, oui, ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment qu'on en parle, ouais, tout à fait. C'est que, en gros, on nous annonce une puce, mais sans les spécificités complètes déjà, qui nous ont été dévoilées par Marc Cerny dans l'article du 8 octobre 2019 mm-hmm. donné à Wired, mais aussi de ce qui s'est passé là au CES, avec Jim Ryan qui a rappelé toutes les features qu'il y aurait dans la PlayStation 5, c'est-à-dire le ray tracing matériel. Or, dans la puce Oberon en question dont on parle, il est nulle part fait mention de ces fameux Core RT, donc ces fameux Core Ray Tracing. Enfin, ils ne sont nulle part. Et d'ailleurs, celui qui avait fait fuiter ça sur la toile, alors je m'en rappelle plus de son nom, je l'ai pas noté, enfin, c'est dommage. Mais il y a des personnes qui lui demandaient, mais vous avez des traces des corps ray tracing dans les tests qui ont été faits? Et la réponse c'était non. Tu veux dire l'auteur de l'article c'est Richard Leadbetter, donc c'est le rédacteur technologique de Digital Foundry. Exactement, ouais, tout à fait. Non, c'est même pas ça, c'est-à-dire que ils ont pris ça d'une fuite. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a fait fuiter, qui a récupéré ce truc-là. Et on lui a dit, est-ce que vous avez vu ces fameux corps RT dans la puce? Et il répond non. Alors, pour moi, en fait, ce que ça... Après, encore une fois, c'est qu'une analyse, je peux me tromper. Mais moi, en ce sens, je pense qu'ils font des tests aujourd'hui. Cette puce est une puce test. Moi, je pense en plus que c'est une puce test vraiment pour la rétrocompatibilité, excusez-moi, par rapport au. Ce que j'allais dire, c'est ce qui se dit beaucoup aussi. Exactement, qui est juste. Et en plus, ce qui va très bien avec les propos d'ailleurs de Jim Ryan, qui sont arrivés un peu derrière en lui disant, en lui parlant du logo, etc. Enfin, il a eu un entretien et où il expliquait justement que, les meilleures nouvelles fonctions qu'il y aurait au niveau de la console n'avaient pas encore été dévoilées. Donc, est-ce que ça ne serait pas ça, c'est-à-dire d'avoir plusieurs, d'avoir un processeur avec plusieurs modes qui permettrait de pouvoir émuler, parce que enfin il faudrait que je reprenne ça, parce que cette fuite de ce processeur là Oberon est arrivée en même temps que un très très très gros leak qui est arrivé sur la rétrocompatibilité avec tous les jeux, ouais, PlayStation, de la PlayStation 1 donc à la PlayStation 4, mais avec en plus le fait de pouvoir vous mettez votre jeu et votre jeu est directement remasterisé, en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, les textures sont boostées, vous avez plus de FPS, etc. Il y a de l'upscale, mais enfin, on parle même de, enfin, dedans, il parlait même de textures un peu boostées et tout. Et, bizarrement, Death Stranding, qui était très souvent vendu comme une exclusivité PlayStation 4, va sortir cet été sur PC. Donc, en mode plus boosté. On a The Last of Us Part 2 qui sort cette année. Mmh. On a Ghost of Tsushima qui sort cette année. On a aussi, des jeux comme God of War, etc., qui sont quand même plutôt récents, qui sont sortis. On peut penser à Days Gone. Enfin, on peut penser à énormément de choses. Moi, je me demande si ces 9,2 teraflops, donc qui ferait partie du mode Gen 2 de la puce, donc vous avez le mode Gen 0 qui émule la PS4, le mode Gen 1 qui émule la PlayStation 4 Pro, et ensuite ce fameux mode Gen 2, ce fameux mode Gen 2 qui serait un mode qui pourrait justement permettre de booster tous les jeux qui ont le droit à des modes, un développement sur PlayStation 4 Pro, à pouvoir pousser les jeux, puisqu'on sait que la PS4 Pro a beaucoup de mal à proposer de la 4K natif, à proposer du 60 images par seconde, etc. Et bah, de tout pouvoir débloquer et magnifier les jeux, quoi. Moi, c'est vraiment le fait que sur ce mode Gen 2, en fait, on ait exactement le même nombre d'unités de calcul. Oui. Que sur la PlayStation 4 Pro, moi, qui me pose un problème, sachant qu'on grave de manière vraiment, vraiment plus fin, la puce, puisqu'on passerait de 16 nanomètres à 7 nanomètres, voire peut-être même 7 plus, hein, on verra plus tard, bon, là, ça devient un peu technique. Mais, du moins, moi, ça me paraît bizarre, à moins que Sony cherche vraiment à avoir une console extrêmement, extrêmement, peu chère, en fait, à la fin, enfin, vraiment de rentrer dans le clou des 399 euros, ça me paraît quand même assez, impossible au vu du SSD, sauf si le SSD fait 128 gigas. On comprend, parce qu'on parle de SSD quand même vraiment boosté, on parle pas de SSD en SATA, bon ça c'est encore encore autre chose, mais la problématique, moi la problématique que j'ai, c'est que donc dans cette puce là tout de suite maintenant, on sait qu'on va avoir une puce qui va être gravée en 7 nanomètres, mais la partie graphique aurait le même nombre d'unités de calcul qu'une PlayStation 4 Pro gravée en 16 nanomètres. Premièrement me paraît bizarre, parce que justement Sony, quand ils sont passés de la PlayStation 4, sont passés de la PlayStation 4 classique à la PS4 Pro, ils avaient justement profité d'avoir pratiquement divisé par deux la finesse de gravure pour doubler le nombre d'unités de calcul. Donc je trouverais ça bizarre. Et puis en plus, encore une fois, je le répète, ces fameux cores RT qui ne sont pas présents dedans. Donc ce que Laurent, pour le coup, parce que c'était ce qu'on avait discuté, il s'était renseigné, puis il en a parlé dans l'article, allez le lire pour ceux qui n'auraient pas lu. Il disait que justement il s'était un peu renseigné auprès de j'ai carrément appelé une entreprise de semi-conducteurs. Faut savoir que je connais des gens qui y travaillent directement, donc c'est plus des gens qui m'ont parlé ouvertement, que c'était pas un inconnu qui appelait, quoi. Je leur ai posé les questions suivantes. Je leur ai dit déjà au niveau des délais, savoir combien de temps il fallait. Donc ils m'ont dit, pour créer un processeur, c'est clair que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est entre 2 et 5 ans pour développer un processeur. Et derrière, par contre, au moment où le processeur est... au niveau des tests, c'est des batteries et des batteries et des batteries de tests. Et ils m'ont même précisé qu'il leur arrivait souvent pour tester juste micro-composants, ils fabriquent juste des plaques en silice. Donc juste pour tester l'étanchéité de leurs produits, il leur arrive aussi de faire des processeurs qui ne sont pas complets, en fait. Et ça, c'est fréquent pour éviter de perdre du temps. Donc, ils vont faire un processeur juste pour tester telle partie. Ben, pas besoin de mettre le reste parce que ça, on n'en a pas besoin pour notre test. Donc, ils disent c'est énorme le nombre. Alors, je leur ai dit, vous avez lu l'article de Digital Foundry. Ils m'ont dit oui, mais pour nous, ça ne veut rien dire parce que des tests, si vous saviez le nombre de tests qu'il y a, donc oui, certes, il y en a un qui a fuité. C'est clairement un test possible. Mais ils disent c'est un arbre qui est récupéré, on ne voit pas la forêt. Donc, Je peux te couper, Laurent, oui. Je voudrais juste poser une question et rebondir sur ce que disait Johan là, par rapport à l'éventuelle rétrocompatibilité avec les précédentes générations et plutôt sur celle de la PS4. Tu parlais du ray tracing. Est-ce que ça serait possible s'ils font donc une rétrocompatibilité et un upscale graphique par le biais de la PS5, est-ce que ça serait possible d'avoir du ray tracing sur des jeux PS4? Bah, tout dépend comment le jeu est pensé de base, quoi. Comment il est codé, puis même si... Alors, je pense que The Last of Us Partie 2, quand le dernier trailer était sorti, j'avais vu une analyse assez poussée où il montrait que dans les flaques d'eau, il y avait du ray tracing qui était là. Donc, alors, c'est forcément software, hein, et minime. Pas poussé. Ouais, pas hardware, mais... Donc, typiquement, pour ce jeu-là, je pense qu'on peut le penser. Je pense que pour Death Stranding, c'est fort probable aussi. Days Gone, faut oublier. Après, oui. Et puis, Ghost of Tsushima, excusez-moi, voilà, je cherchais. Je pense que ça... Et même Dreams, peut-être. Je pense qu'au vu de ce qui est de jeu de base, je pense que c'est possible. Après, non, tous les jeux... Tous les jeux cross-gen, en fait. Bah, le jeu qui va être entre deux, enfin le cul un petit peu entre deux chaises, entre la PS4 et la PS5, et pour lesquels les moteurs aussi ont été prévus. Exactement, ouais. L'intégration du truc. Tout à fait, ouais. Okay. Après, je pense que c'est surtout, moi je pensais à des jeux comme par exemple Tomb Raider, alors Rise of Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, par exemple, sur PlayStation 4 Pro, on a le choix entre avoir un mode 60 images par seconde ou un mode graphisme résolution, poussé, résolution. Ouais. Alors on n'est pas vraiment en 4K. Moi, ce que je me dis, c'est quand... Avec ce mode là, ce fameux mode à 9,2 teraflops, en fait, on pourrait avoir les deux, en fait. On serait pas obligé de choisir. Je pense que, enfin, encore une fois, je pense, là, en pensant la puce, et comme dit Laurent, il faut 2 à 5 ans pour développer un processeur, donc ça fait quand même longtemps qu'ils y réfléchissent. Ce processeur, en gros, il était déjà en développement, que la PlayStation 4 Pro allait, elle aussi, pas tarder à sortir. C'est ça. Moi, je pense que le fait qu'il y ait le même nombre d'unités de calcul, en fait, avec juste, en fait, à la fin, le GPU qui passe d'une fréquence d'horloge de 911 MHz à 2000 MHz, plus, pareil, du côté CPU, on passe de 2,1 GHz sur la PlayStation 4 Pro à là, hypothétiquement, 3,2 GHz, ça permettrait vraiment de donner un sacré boost à tous ces jeux PlayStation 4 Pro avec ce qui demanderait pas de travail ou peu de travail à des studios de pouvoir permettre à redonner une seconde vie à leur jeu. Enfin, faut pas oublier qu'il y a pas mal de... Je pense à The Witcher 3, par exemple, ou même Dark Souls 3. Enfin, bon, moi, c'est les jeux auxquels je joue le plus. Mais c'est des jeux qui sont, quand on peut jouer sur PC, sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiés. Et non, bon, je dirais pas, n'ont rien à voir avec la version PS4. Bon, la version Switch, c'est autre chose. Mais voilà, forcément, bon, fallait la faire. C'est gratuit, donc. C'est gratuit, exactement. Enfin, bon, fallait bien la faire. Mais après, tant mieux pour ceux qui découvrent ce jeu. Moi, je l'ai trouvé quand même assez exceptionnel. Et je veux dire, on pourrait vraiment avoir sur nos consoles des versions, enfin, nos jeux PS4 vraiment poussés. Alors, je dis pas qu'on aura forcément les versions PC parce que ça demanderait beaucoup de boulot. Mais quand on voit la différence, par exemple, qu'il y a entre la version One X et la version PS4 Pro sur un écran 4K, on peut imaginer quand même du mieux et puis permettre aux éditeurs, parce que là pour le coup c'est plus ceux que les développeurs, de continuer à faire vivre leur jeu, quoi. C'est pas impensable en soi, quoi. Ok. Après sur les délais de livraison, donc on parlait 3, 4 ans, 5 ans pour... Il y a un truc qui est important aussi de dire, c'est ce que Marc Cerny avait déclaré quand il était arrivé pour travailler sur... quand il était arrivé déjà pour travailler sur la PS3. Il était arrivé en 2003, à l'été 2003. Ouais. On sait que la PS3, elle a déboulé en 2006. Donc déjà en 2003, quand il est arrivé, le processeur de Cell de la future PS3 était déjà terminé, quasiment terminé. Donc 3 ans avant la sortie. À ce moment-là, quand il est arrivé, ils ont fait des tests et des tas de tests. Et ils avaient justement des soucis pour programmer sur ce processeur. Et au final, ils se sont aperçus, c'est Nvidia entre-temps qui a sorti, je crois que c'était le RSX. La puce graphique. Et donc, quand ils ont sorti cette puce, là, ils se sont dit, mais mince, notre processeur qui était prévu depuis si longtemps, en fait, il est largué aujourd'hui. Et à la dernière minute, donc je parle en 2005, un an avant la sortie de la PS3, ils ont décidé de changer carrément la puce. Ils ont intégré la puce Nvidia RSX dans la PS3. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de s'apercevoir que même si un processeur prend 3 ou 4 ans ou 5 ans à être développé, c'est vraiment pensé vraiment très en amont. Et il est tout à fait possible aussi que, mettons, il y a 6 mois de ça, il se soit aperçu que, on va en parler hein, de RDNA 1 ou que c'était pas assez puissant pour la PS5, parce que le test de Digital Foundry repose sur un test qui a été récupéré il y a 7 mois avant l'article. Donc c'est quelque chose qui est déjà assez ancien, tout en sachant que des tests comme ça, il peut y en avoir beaucoup, et tout en sachant aussi que si à la dernière minute, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une connerie, ils peuvent encore un an avant changer d'idée. Alors ça, Marc Cerny l'avait bien dit, qu'il ne voulait pas se retrouver dans cette situation une nouvelle fois. Donc c'est quand même quelque chose qui est pensé. Et justement, on va parler, parce que le point le plus important de ce souci repose sur cette architecture, l'architecture du processeur. Qui est donc AMD, on en présentait deux. Sauf que je crois que c'était le 24 mai, AMD ont présenté l'interface de la next-gen PlayStation. Donc ils ont précisé que ce serait du RDNA 1.0 gravé en 7 nanomètres. Donc ça, c'était au mois de mai. Seulement, à cette époque-là, ils avaient pas spécialement, ils avaient juste annoncé, non, au mois de mai, ils avaient même, c'est le mois suivant où ils ont annoncé la Next Gen RDNA, qui voulait dire RDNA 2, donc une évolution de tout ça. À ce moment-là, Phil Spencer a clairement annoncé que la prochaine Xbox serait sur le Next Gen RDNA, donc clairement RDNA 2, qui potentiellement pourrait expliquer ces 12 teraflops face à 9,2 teraflops. Seulement, le souci, c'est qu'on revient à ce retracing, c'est que justement, le RDNA 1 n'a pas de retracing matériel. Alors, on pourrait, je ne sais pas comment tu vois ça, toi Johan, est-ce qu'on pourrait passer avec du shader, mais sur 36 unités, ça paraît n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Déjà que le processeur n'a que 36 unités, si en plus maintenant tu appliques des shaders en plus, mais le machin il va plus avancer. Et en plus, sur AMD, on se rappelle de la Vega qui avait fait. C'était un carnage avec le... Ouais. Donc c'est là où, moi déjà, ça colle pas. Alors bon, il y a certains utilisateurs Xbox mécontents qu'on leur dise que ce qui a été annoncé par Digital Foundry n'est pas totalement vrai, mais le but, on s'en fout, c'est même pas de prouver mais eux-mêmes le disent, hein. Ils disent qu'il faut prendre ça avec une pincée de sel en plus dans l'article, hein. Donc c'est là où... Ouais, mais comme tous ceux qui balancent des infos, ils prennent pas de risques pour pas passer pour des cons. Attention, faut faire attention à ce que vous lisez, à ce que... Enfin... Plus personne se mouille dès qu'il balance une info maintenant. Et ensuite, donc, si on en revient à ce RDNA, alors c'est un autre point qui a beaucoup énervé, c'est que, disons que Microsoft, jusqu'à présent, donc le RDNA 2, gravé en 7 nanomètres plus, intègre une technologie qui est propriétaire, qui a été déposée par Microsoft, s'appelle le VRS, c'est le Variable Rate Shading. Donc cette technologie-là, et je suis bon en anglais. Hein. Cette technologie-là, du coup, ils partent du principe que si c'est un brevet Microsoft, c'est incompréhensible que Sony l'utilise. Alors, peut-être, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont signé, mais par contre, il y a des points qui me choquent, c'est que déjà Sony et Microsoft ont signé un partenariat de partage de technologies dans les semi-conducteurs. AMD ont déjà intégré la technologie Microsoft VRS dans des brevets AMD, Donc, ce qui veut dire qu'AMD ont payé des brevets Microsoft, ils s'en sont servis et les ont modifiés pour créer des brevets AMD. Donc, ils peuvent aussi proposer une nouvelle technologie basée sur le VRS de Microsoft, mais à leur nom, et le revendre à leurs clients. Et puis, au niveau de la conférence du mois de mai de AMD, à cette époque-là, donc, le RDNA 2 n'était pas encore officialisé. Il a été annoncé à la sortie des RX 5700 pour l'E3 en juin. Et c'est là où on parlait. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au moment de la conférence en mai, ils n'allaient pas déjà dire la PS5, elle sera un RDNA 2. Ils ont juste parlé de RDNA, point. Voilà. Ok, ouais, c'est logique. Voilà. Du coup. Et donc, pour ne pas griller les plans marketing, ça reste logique. Donc, alors ça, c'est une possibilité. Donc, on a vu la possibilité RDNA 1 sans les, en utilisant les shadings. Parce que le RDNA 1, il fait ça, hein. Il ne fait pas du hardware. On se dit mais qu'avec 36 unités, ça ne colle pas, parce que là, ils vont faire une brouette, ça ne sera pas une console, ça sera une mid-gen. Si maintenant, on se dit que c'est du 2, eh ben on se dit c'est bizarre que Microsoft laisse faire ça, mais en même temps, ils sont partenaires. Et il y a la troisième possibilité, c'est là où je retombe sur ce que disait Johan tout à l'heure, c'est qu'éventuellement, il y aurait carrément un RDNA avec une unité dédiée pour calculer le ray tracing qui serait propriété de développer en parallèle avec AMD, qui serait une vraie propriété. Et quoi qu'il arrive, dans ces cas-là, donc ce serait un RDNA 2 made by Sony, on va dire, qui n'aurait pas la technologie VRS, mais une autre. Et dans ce cas-là, on ne serait pas non plus sur du 9,2 teraflops. Donc, vas-y, Johan, tu peux enchaîner là-dessus. Si... Ouais, bien sûr. Bah, déjà, je pense qu'il faut, il faut quand même... Enfin, sur RDNA, en effet, il faut faire attention à une chose de base, c'est que grosso modo, RDNA 1, entre guillemets, hein, et RDNA 2, la seule différence, c'est que c'est la question du ray tracing hardware en premier lieu. Il n'y a pas de... Pour l'instant, de ce qu'a annoncé AMD, ils n'ont pas annoncé d'évolution autre au niveau de l'architecture ou quoi que ce soit, de différence entre les deux. Donc vraiment, la différence de base entre ces deux générations, si on peut les appeler comme ça, de RDNA, c'est uniquement pour l'instant, de ce qu'a dévoilé AMD, cette question du ray tracing hardware. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le VRS, là quand même, enfin, on est entre personnes qui adorent la réalité virtuelle. C'est une technologie qui existe déjà. En fait, c'est Intel les premiers qui l'ont développée en 2014 et qui l'a. Alors eux, c'était pas VRS, ça s'appelait CPS pour Coarse Pixel Shading. Et donc voilà. Et derrière ça, hein, le VRS est utilisé et intégré dans les cartes Nvidia depuis la génération Pascal, mais qu'à moitié. Alors le nom m'échappe, mais enfin c'était déjà intégré donc sur les dernières GTX, donc la génération 1000, et surtout le VRS est déjà utilisé sur Turing, donc la gamme RTX actuelle. Tout en sachant, c'est la troisième chose, c'est que avant d'être utilisé par Nvidia, cette technologie VRS au sens enfin là, je veux dire, tout à l'heure j'ai parlé de CPS pour Intel, mais VRS, mais du coup, excusez-moi, je me suis embourbé. Mais du coup, non, mais c'est tout manipulé ces trucs-là. Des fois, c'est vraiment, complexe. C'est un peu. C'est, non, mais des fois, on s'y perd un peu, puis commence en plus à être un peu tard, et je suis debout depuis 6 heures, donc pardonnez-moi. Mais du coup, voilà, je veux dire, la technologie donc CPS de Intel, bon voilà, je l'ai dit, a été développée en 2014. Mais le VRS a été développé pour l'API, donc une interface de programmation qui s'appelle Vulkan et qui fonctionne depuis à peu près depuis 2016 d'ailleurs, en fait, tout simplement, qui est là pour succéder à OpenGL, une autre interface de programmation qui est quand même assez vieux, ça. Ouais, c'est exactement. OpenGL, ouais. Et ben Vulkan, exactement. Et Vulkan est justement l'API qui est développée pour succéder à ça, mais c'est eux les premiers qui ont développé cette technologie VRS, qui donc ensuite a été intégrée à Nvidia et que maintenant Microsoft aide AMD à intégrer dans leur carte graphique. Et bref, et tout ça pour dire que Vulkan, ceux qui travaillent énormément avec cette API, c'est Sony. En effet, Sony et Microsoft ont signé un partenariat le 16 mai 2019, donc l'année dernière, en partage de technologies sur le semi-conducteur, mais aussi sur le cloud. Mmh. Et bizarrement, d'ailleurs, AMD a annoncé que pour le ray tracing, que la prochaine génération, donc pour le ray tracing, serait gérée bizarrement par le cloud. Je pense qu'il y a des connexions. De toute façon, on le sait, entre Sony et Microsoft qui sont faits, qui ont été dévoilés, où Sony prend les serveurs de Microsoft pour pouvoir travailler sur le cloud. Et Microsoft travaille uniquement avec AMD pour récupérer donc leur fameuse puce pour fournir leurs serveurs. Et comme de par hasard, AMD dit derrière, une fois que ce RDNA 2 donc sera passé, que ensuite ils veulent gérer par le cloud le ray tracing. Mmh. Donc bon, on sent quand même que là-dedans il y a vraiment un partage de technologies qui se fait. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister. Tout à l'heure, Laurent, il parlait de cette fameuse sauce spéciale que Lisa Su, la présidente de AMD avait évoquée chez PlayStation. Moi, cette sauce spéciale, en effet, elle me fait vraiment penser que Sony développe leur propre ray tracing. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est que AMD, on le sait, ils sont très en retard sur cette question-là, hein, tout simplement sur le ray tracing hardware. Ils sont vraiment loin, et en plus là il y a des fuites qui sont en train d'arriver sur la nouvelle génération des cartes graphiques Nvidia qui s'appelle Ampère, qui risque là encore de créer un gap. Enfin là on parle quand même de 50% plus performant tout en étant 50% plus moins énergivore, hein. Exactement. Mmh. Et Nvidia en général, quand il y a des chiffres comme ça qui arrivent, ils se confirment, hein. donc voilà, donc AMD sont très en retard là-dessus. Mais surtout, ce qui avait été spécifié par Marc Cerny, c'est que autant du point de vue CPU, ils demandaient un custom de la part, le CPU dans l'APU, bien sûr, ils demandaient un custom à AMD. Autant par contre sur la partie GPU, ils co-développaient donc la puce graphique avec eux. Et Sony, quand même, enfin Sony, c'est des industriels, mais Sony, c'est aussi le cinéma. Et le ray tracing, c'est une technologie qui est aujourd'hui utilisée dans le cinéma depuis très très très longtemps. Enfin, Sony font des caméras qui permettent aussi ces captations. Enfin, ils font énormément de choses. Hein, faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du processeur Cell. Bah, le processeur Cell, c'est Sony avec Toshiba et IBM qui l'avait développé. Enfin, je veux dire, Sony, c'est dans leur télévision qui sortent tous les processeurs qui sont à l'intérieur pour gérer. C'est eux qui les développent. Enfin, ils sont pas dans le même cas que Microsoft, Sony, sur la question des semi-conducteurs. Oui, ils sont réputés pour être les meilleurs aussi. Ils développent, et avec la VR, exactement, enfin énormément de choses. Non, je disais dans le développement des processeurs télé pour le traitement d'images, ils sont réputés pour être les meilleurs. Ah oui, clairement, oui. Oui, mais même, enfin, je veux dire, je n'y pensais pas, mais même dans le casque d'hier aussi, hein, les processeurs, parce qu'il y a des processeurs aussi à l'intérieur, c'est eux qui les ont développés, hein, pour les questions de eye tracking, etc., etc. Donc, c'est clairement pas dément sur le sujet. Et moi, je pense que cette fameuse sauce spéciale, c'est ça. C'est que, alors, basé sur une techno AMD, mais je pense que le ray tracing qu'on va avoir dans l'APU de la PlayStation 5 sera co-développé avec Sony. Il sera autre chose que celui d'AMD, quoi. Parce que, des brevets qu'on a eu, parce qu'il y a des brevets, hein, qui ont fuité. Du ray tracing hardware d'AMD, c'est pas au niveau, moi, de ce que j'ai lu et décortiqué, c'est pas au niveau de ce qu'on a aujourd'hui déjà sur les RTX de Nvidia, quoi. Et Sony, ils ont Naughty Dog, ils ont des gens qui, enfin Naughty Dog, la motion capture, tout ça, enfin c'est des gens qui aiment vraiment pousser le curseur, quoi. Donc bon, ils peuvent, puis ça leur permet aussi de court-circuiter Microsoft, hein, pour avoir une machine. Enfin, j'ai du mal à voir Sony se dire il faut absolument qu'on ait une console à 399 euros, quitte à sacrifier la performance, alors que ça a toujours été un constructeur qui a toujours cherché la puissance, quoi. Enfin, peut-être aussi parce que quand ils ont sorti la PS3 à 600 balles, ils se sont plantés aussi, il faut pas l'oublier. Hein. Ouais, bien sûr. Mais le problème, c'est que c'était très dur à développer, alors que là, ils sont sur des technologies. Le problème était là. Sur la PS3. Dire aujourd'hui. Puis le développement de la puce Cell a été chaotique également. Donc quand ils ont lancé le truc, les développeurs, quand ils sont arrivés avec la PS3, et puis ils étaient tous un peu embêtés. Et puis Sony, ils ont dû perdre un temps derrière pour leur expliquer comment ça fonctionnait, parce que c'était pas simple. Là, au contraire, c'est beaucoup plus facile. Vu que le Cell, justement, au début, devait aussi servir de partie GPU, À la fin, dans le SDK, donc le kit qu'ils donnent aux développeurs, le RSX c'était qu'un coprocesseur graphique pour développer. Enfin, pour eux, la carte était pas dédiée. Il fallait qu'avec le processeur seul, ils calculent ce que doit faire un CPU. Mais en même temps, celle calculait des parties de ce que devait calculer le GPU. Et après, il fallait calquer le GPU dessus. Enfin, c'était je l'ai fait court, mais c'était l'enfer. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Là, on a sur un APU, tout est customisé, tout est fait ensemble, tout vient des technologies qu'on a dans le monde du PC, Zen 2, Nelly, enfin, je veux dire, voilà, quoi, il n'y a pas de... Enfin, Et bon, Marc Cerny, quand même, je pense qu'il a fait ses preuves, hein, en termes de facilité de développement. Il y a déjà, en plus, en ce moment, des retours développeurs qui le disent un peu partout, qui disent que c'est extraordinaire de développer sur PS5, quoi. Oui, donc, on n'est pas dans le même cas. A contrario, on n'a pas de retour sur Xbox. On n'en sait pas grand-chose, en fait, Xbox. Et je me permets juste de finir là-dessus. Je pense que, justement, si Microsoft, ils sont en retard, c'est parce qu'avec AMD, ils galèrent à intégrer, justement, leur ray tracing dans l'APU. Je pense que Sony, ils ont pas ce problème et il y a une fuite. Alors, moi, je la trouve plausible. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais on parlerait d'une puce dédiée au ray tracing collée à l'APU. Je pense que c'est pas complètement bête, hein, cette idée-là, hein, qui était d'ailleurs sortie par Kotaku, hein, ouais, avec le fameux prix. Bon, ça, par contre, le prix, ça, je pense que c'est un prix, peu de $900. J'ai pas tout. Ça, j'y crois pas. Ouais, faut l'espérer surtout. Faut l'espérer, exactement. Mais, mais je pense que c'est possible. Ouais, peut-être, ouais, avec un PSVR. Enfin, après, bah, c'est ce que tu. Bah oui, c'était toi qui as fait l'article. Donc voilà. Donc, je pense que Microsoft, ils sont. Il est partout. Ouais, exactement. Je pense que Microsoft, en fait, ils sont en galère avec AMD par rapport à ça. Enfin, tout le monde pensait qu'au CES, d'ailleurs, ils auraient dévoilé leur carte. Tout le monde attendait ça, ouais. En Zen 3. Tout le monde attendait ça avec Zen 3, exactement, pour le ray tracing. Force est de constater qu'ils n'ont pas. Puis, bon, dernier point, il faut que je m'arrête, moi, quand même. Ils ont eu aussi... Intel fait des cartes graphiques, elles ont été dévoilées. Bah, Intel, ils sont été servir chez AMD, hein, sur la partie graphique, hein, pour avoir du monde pour développer pour eux. Hein. Autant AMD, ils ont réussi à se refaire une superbe avec leur CPU, autant au niveau carte graphique, ça fait 10 ans qu'ils sont baladés par Nvidia. Hein. Là aussi, on pourrait parler de différence de teraflop. Pour donner aussi un peu une petite image. Vega 56, qui est la puce dont on parle souvent, ne serait-ce que par rapport à Stadia, puisque la console de Google est basée sur Vega 56. Une Vega 56, ça fait 10 teraflops et demi, 11 teraflops à peu près. Bah, en termes de performance, ça match avec une 1070 de Nvidia qui développe 6 teraflops, quoi. Je veux dire, on voit la différence. Plus, hein. Exactement. Et donc, on voit la différence, je veux dire, à teraflop équivalent des performances. Enfin, c'est quand même, AMD, d'un point de vue graphique, il morfle beaucoup. Et pour le coup, l'architecture RDNA leur a permis de recoller un peu au basque d'Nvidia. Mais là, avec Ampère qui va arriver, enfin, ils sont pas très bien d'un point de vue graphique. Donc, je ne serais pas étonné, moi, personnellement, que Sony, ils aient développé donc cette fameuse spéciale, ça soit ce... donc, voilà, vraiment le mot de la fin pour moi là-dessus. C'est peut-être ça la surprise ça, de Jim Ryan. Exact, ça peut être aussi ça, ouais, tout à fait, ouais. En plus de ce mode ultra boosté, une des surprises, parce qu'il a dit qu'il y en avait plusieurs. Exactement. En plus de ce mode, pour avoir des jeux PS4 en 4K 60 FPS, dès que vous mettez votre galette, ça peut quand même être une surprise. Enfin, je veux dire, faut voir ce que ça pèse, quoi. Demain, Horizon, vous mettez Horizon dans votre PlayStation 5 et le jeu, il apparaît en 4K natif 60 FPS, ça peut être, enfin, c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu non plus, quoi. Pas bon, voilà, quoi. En gros, j'essaie d'être plus clair. J'ai bien fait de pas le faire, c'est nickel. Ce que je veux rajouter, c'est concernant tout ça pour plus parler aux joueurs. Moi, c'est ce côté article à sensation qui a été énormément partagé, qui m'a tout de suite dérangé. C'est de parler déjà de 9, envoyer des chiffres déjà, 9,2 teraflops face à 12 teraflops. Bah forcément, tout le monde l'a repris. Tout le monde a fait la PS5 sera moins puissante que la Xbox. Ça aurait pu être l'inverse, mais bon, ça s'est retrouvé de cette façon-là. Ce que je veux préciser là-dessus, c'est les différences qu'il y a entre les teraflops, ce que tu disais tout à l'heure, Johan. Je parle d'une architecture lecture, alors, je ne me rappelle plus le nom, c'est GRC, je crois. C'est ça. JCN. JCN. Ouais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui, sur les forums, qui avaient tendance à dire 9,2 teraflops, c'est que 3 teraflops de plus finalement qu'une Xbox One. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'article, c'est d'arriver à faire un comparatif de cartes qui visiblement auraient plus de teraflops et qui sont moins puissantes au final qu'une carte qui a moins. Donc il faut faire attention quand même avec ces teraflops. Il ne faut pas non plus se fixer là-dessus, parce que ça ne veut pas forcément... Parce qu'en fonction des générations des différentes puces, une carte de 9 teraflops peut être plus puissante qu'une autre carte plus ancienne de 13 teraflops. Donc ça, c'est important. Tu peux donner l'exemple, je pense, Laurent, sur la différence entre une 7700 XT et la Vega 64. Hein, je pense que c'est parlant. Oui, voilà, c'était ça. C'était la Vega 64 qui, donc la, si on prend donc la dernière AMD sur base Navi qui pourrait correspondre à un noyau, on va dire, de la PS5 en RX 7700 XT, on serait sur 9,754 teraflops. Et une RX Vega 64, elle est à 12,58 teraflops. Et ben, si on compare ces deux cartes, la 7500 est à peu près 10% plus rapide qu'une RX Vega. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention en tant que joueur et ne pas gober tout ce qu'on raconte. C'est pas parce que il faut faire attention quoi. C'est teraflops, ça peut être vrai. C'est ces deux cartes qui ont les mêmes unités de calcul ? Non, mais par contre, là où la différence, là où ça va être comparable, c'est que sur la série X et la PS5, on sera sur la même architecture. Donc là, on pourra comparer. Ça, on ne sait pas. Bah, si. Parce que ce sera deux AMD, Navi Zen 2, ce sera les mêmes. Donc là, les teraflops, on pourra les comparer. Mais ce qui est dangereux, c'est par exemple, si y en a une... Là, ce qui m'a dérangé, c'est que balancer 9,2 teraflops par rapport à une One X, pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose par rapport à une One X, alors qu'au final, c'est 9,2 teraflops, c'est comme si on annonçait en réalité 13 teraflops, comparé à une One X. Donc... ce que déjà Digital Foundry ont annoncé clairement, c'est une console qui est deux fois plus puissante qu'une One X, même plus de deux fois plus puissante qu'une One X. Pourtant, ils n'ont dit que 9 teraflops. Voilà. Donc, c'est là où il y a le piège. Après, bien sûr, on va avoir les fiches techniques des différentes consoles, et là, on pourra vraiment savoir. Et puis, ça ne va pas se jouer, à mon avis, à grand-chose. Les benchmarks. Hein. Voilà. Il n'y a rien de plus probant. Ça sera des consoles relativement proches. Je pense pas qu'il y aura un écart si important entre les deux. Je pense pas non plus. Hein. Donc voilà, c'était le petit sujet. Bah, comme la One et la PS4, hein, c'était pas un écart non plus. Assez quand même. Extraordinaire. Sur les deals, 1,8 je crois, et c'était 1,3 la One, non ? Je me rappelle plus. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais en termes d'unité de calcul, il y a quand même une différence. Sur la One, on était à 12, et sur la 18, de l'autre côté. On était à 18, donc ça fait quand même 50% de plus hein, en unité de calcul. C'est pas dégueu quand même. Ça se voit vraiment surtout en début de génération en général, parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais là je suis sur Red Dead 2 sur ma Xbox One S, là que je viens d'acheter. Waouh, c'est bordellement beau hein, quand même. Hein. Et pourtant, j'ai l'habitude de jouer sur PS4, même sur PC. Avec une bonne carte graphique, je suis assez bluffé par cette console quand même. Hein. Mmh. On a tellement entendu cracher dessus concrètement. Ouais, mais t'as l'habitude des bouillies de pixels aussi, tu joues en VR. Oh, bah, c'est vrai. Et sur une PS4, même pas pro en plus. Alors, c'est vrai. Mais non, mais voilà, donc c'est pour ça. Je suis toujours un petit peu gêné par les termes un petit peu marketing comme les teraflops, parce qu'en gros, c'est des chiffres qui sont balancés par les médias ou qui sont balancés par les constructeurs. Que personne comprend vraiment. Donc c'est très très bien justement. Merci encore Johan d'avoir donné. Ouais, franchement c'est très instructif. Ouais. Mais merci à vous. Mais encore une fois, ouais, les teraflops, sans penser l'architecture qu'il y a derrière, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est ça. C'est exactement. Quoi, il faut comparer les teraflops sur des systèmes équivalents en fait. Ouais, voilà, après, c'est un peu comme la guerre des bits à l'époque. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Tu avais des Jaguars qui étaient à 64 bits alors que les 32 bits de Sony, par exemple, de la première PlayStation n'étaient pas encore sortis, qui enterraient complètement la 64. Quoi. Surtout donc, que ça va encore même plus loin que ça, parce qu'en fonction des constructeurs, ils n'ont pas la même. On parle toujours de gravure en 7 nanomètres, mais d'un constructeur à l'autre, ils n'auront pas la même finesse de gravure, même s'ils gravent en 7 nanomètres. Donc il peut y avoir des et ça au final sur le processeur fini, il peut y avoir des différences. Donc on peut très bien t'annoncer deux processeurs de 7 nanomètres, il y en a un qui a été gravé avec les pieds et puis l'autre qui est super bien gravé, il y aura les teraflops sera énorme à côté quoi, il y aura une différence énorme. C'est plein de facteurs comme ça, il faut faire super gaffe à... Qu'on connaît pas, mais ouais. En même temps, il faut être vraiment de la partie et être quand même bien calé techniquement pour arriver à appréhender justement tout ce genre de piège, quoi. Le piège là, c'est qu'on on voit que ça se propage de partout dans différents articles, que tout le monde est convaincu que... Et ça peut être dangereux parce que... Alors ça peut être bien parce que quand Sony vont annoncer la vérité sur la puissance, eh ben, il y aura certainement quelque chose qui sera plus proche des 12, qu'il y a même des rumeurs qui parlent de 15 teraflops. Mais bon, après, il faut... Je sais plus c'est le journaliste de oui, bah exactement. Je t'avais envoyé, qui annonçait quand même que lui, de tous les échos qu'il avait des développeurs, c'est qu'on parlait quand même du niveau graphique, que la PlayStation 5 serait plus puissante qu'une RTX 2080, quand même. Enfin, faut voir le. Non, là, ça, t'y crois ça? Ah, bah c'est possible, c'est ouais. Bah, après. Possible. Enfin, la problématique qu'on a, je pense, c'est que. Il faut voir le prix. La PS4 et la Xbox One, quand elles sont sorties, c'est vrai que c'était des machines qui étaient quand même assez en dessous de tout. Alors, je dis pas, c'est des bonnes consoles, il y a des bons jeux, c'est pas le problème, mais je veux dire, d'un point de vue technique, elles étaient quand même vraiment larguées par rapport au PC. Mais c'était la première fois que ça arrivait, hein. Microsoft, quand on dévoilait, par exemple, tout à fait, puis même la Xbox 360, hein, Microsoft, ils avaient réussi à récupérer non seulement, le GPU le plus puissant, alors à l'époque, il s'appelait, ATI, mais en plus, ce GPU-là, sur PC, n'arrivait qu'en avril 2006, là où la Xbox 360 sortait, le 2 décembre 2005, si ma mémoire ne me fait pas de défaut. Donc, ils arrivaient vraiment à... Ils mettaient vraiment le paquet. Moi, je pense que la différence qu'il y a eu, c'est que quand la PlayStation 4 et la Xbox One sont arrivées, bah, il n'y avait pas encore de télé avec de nouvelles définitions, il n'y avait pas de nouvelles technologies à proprement parler à apporter, à la différence de toutes les autres consoles d'avant. La Xbox 360, quand elle arrive, comme la PlayStation 3, il y a le Blu-ray et le HD-DVD qui se tapent dessus. Il y a les télé haute définition qui arrivent. La première PlayStation, il fallait passer le gap des jeux en 3D. C'était la première fois que ça arrivait, donc il fallait mettre énormément de performances. La PlayStation 2, c'était le support du DVD, mais aussi de tout ce qui était ombre, éclairage et nuages en temps réel. Enfin, je veux dire, il devait apporter énormément de choses. Et même du coup, la définition DVD, parce que la définition DVD aujourd'hui, ça paraît, enfin, même pour nous, c'est useless, quoi. Mais sauf qu'à l'époque, le 480p, c'était une révolution par rapport au magnétoscope. Mmh. Mais sauf qu'il fallait porter les jeux à cette résolution-là. Or là, la PS4 et la Xbox One, quoi, sont arrivées, bah, on restait sur quoi? Bah, du lecteur Blu-ray et des télé HD classiques, en fait. C'est vrai. Donc, Sony était mal en point. Microsoft, la branche Xbox, allait plutôt mal à cause de tout ce qu'ils avaient dû rembourser à cause du ring and load, là, de la 360, là. Le fameux cercle de la mort là, le Ring of Death, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelait. Voilà, exactement, ouais. Qui avait créé, enfin, je crois qu'il disait que sur les 10 premiers millions de machines qui avaient été vendues, les 54%, c'était poubelle, quoi. Putain. C'est quoi? Ça veut dire 5,4 millions de machines, enfin, ça leur a coûté 8 milliards de dollars, enfin, je veux dire, jamais en bénéfice, ils font même ne serait-ce que la branche Xbox fait 1 milliard en bénéfice. Hein. Je parle pas en chiffre d'affaires, mais jamais ils font ça. Donc, je pense quand même que ça les a un peu calmés, quoi. Donc, je sais pas. Là, quand même, on parle de ray tracing, on parle de SSD, on parle de 4K. Phil Spencer arrive, il dit 4K. 60 FPS. Voilà. On parle de VR aussi, ouais, tout à fait. Enfin, Phil VR musclé, hein. On parle pas de. Donc quand même tout ça, au bout d'un moment, pour que ça tourne, il faut assurer derrière, quoi. Faut assurer derrière. Il faut pas, donc, oublier qu'on est sur des machines qui ont on fait l'abstraction de mid-gen qui devrait arriver dans 3-4 ans. On est sur des machines pour durer. Donc s'ils mettent pas le paquet au début, il y a une partie des joueurs sur les 106 millions de joueurs PS4. Il y a une partie des joueurs qui n'ont jamais pris la pro et qui ne doivent. Moi, je trouverais ça choquant qu'une machine ne soit pas assez puissante à sa sortie et qui nous répond d'une next-gen dans 2 ans, par exemple. Parce que ça veut dire qu'ils n'auraient pas mis le paquet au début exprès pour balancer une next-gen. Donc je préfère qu'ils mettent le paquet au début, qu'ils nous vendent un bon produit, et là ils vont faire un carton, parce que tous les joueurs, les 106 millions qui ont déjà la PS4, les amoureux, ils vont acheter autant la Xbox que la PS4. Donc, par contre, ceux qui n'ont que la PS4, qui ont déjà des jeux boîte ou des jeux ou sur leur compte PS4, ils vont naturellement passer sur la PS5, alors qu'au verso, s'ils s'aperçoivent que la PS5, elle manque de puissance et elle est pas chère mais elle manque de puissance, et ben ils vont peut-être dire oh mince, je vais peut-être aller voir ailleurs quoi. Bah en tout cas on espère avoir pu expliquer un peu plus simplement tout ce que ça voulait dire un petit peu tout ça. C'est voilà, faut rester méfiant, je le répète, faut être vigilant, faut être informé et faut pas dire n'importe quoi et surtout pas écouter n'importe quoi histoire de pas se faire avoir. Vous avez des trucs à rajouter là-dessus ou... Ouais, moi j'ai une question. En chocolat ou chocolatine les... Ouais, bon, ça on ouais, sait. Non, c'est chocolatine, bon. Bien sûr. Je suis ma réponse. Sérieux? Ah, bien vu ça. Bien voilà, vu. Voilà. Bah, Toulouse, c'est obligé. C'est ça. Il est de Paris non, quand même à la base. Hein. Ouais, mais il habite à Toulouse, il est converti. Il a compris. Il a compris. Traître. J'ai eu peur. C'est bien, félicitations. Steph, petite dédicace, c'est pour toi. Non, j'ai une vraie question. Est-ce que, avec tout ce qu'on entend, les spécifications, tout ça, les APU dédiés, mince, fait sur mesure et tout ça, oui, à votre avis, aujourd'hui, est-ce qu'en VR, on aura des jeux qui sont équivalents à ce qu'on a sur PC, ou est-ce que ça peut surpasser ce qu'on a actuellement sur PC? Je pense que ce soit en termes de gameplay ou de graphisme. Et en termes de gameplay, on peut pas vraiment savoir parce que c'est vachement lié aux nouveaux moves, aux vibrations haptiques, enfin tout ce que Sony justement pourrait mettre en avant pour la prochaine génération de casques et de contrôleurs. Mais il y a absolument rien, je pense, qui bloque le fait que ce soit aussi impressionnant que sur PC, voire même aussi impressionnant. Pour moi, c'est le minimum. En fait, ma question, c'est de savoir si ça peut. Quand être je dis aussi impressionnant, c'est aussi impressionnant qu'un Half-Life Alyx avec le nouveau casque de Valve Index. C'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça le aussi impressionnant. Ouais. C'est-à-dire, peut-être pas la prochaine génération parce que ça arrive dans vraiment pas longtemps et même le Valve Index est déjà certes en rupture de stock, mais en tout cas disponible normalement. Et Half-Life Alyx arrive en mars, mais oui, à mon avis, ça sera au moins aussi impressionnant que ça. Il n'y a rien qui empêche que ce soit. Le SSD, vous ne pensez pas que ça le sera plus, du coup? Le SSD, le fait, parce que bon, sur PC, même si sur les gros PC boostés, beaucoup, presque tous les joueurs maintenant même ont du SSD. Là, mais malgré tout, faut quand même penser. Il y a des gens qui peuvent avoir des gros PC, qui n'ont pas pu acheter un SSD parce qu'ils ont préféré prioriser une bonne carte graphique ou un bon processeur et qui donc sont pas allés sur un SSD, encore moins un SSD NVMe. Là, sur console, quand même, enfin, matériellement pour les développeurs, ils seront directement sur un SSD. Au vu des brevets. Même alors, ça risque d'être Samsung, le fournisseur de Sony. Enfin, on parle quand même de débit de 10 gigas. On parle de débit allant de 10 à 20 gigas par seconde. C'est quand même, et ça, c'est Samsung. C'est Samsung. C'est un délire. Enfin, je veux dire, quand on sait qu'un SSD déjà classique, c'est génial, alors que ça fait 500 mégas par seconde. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, là, quand même, de base, ne serait-ce que pour le level design, c'est les mecs de Remedy là qui en parlaient, ceux qui ont fait Control. Ils disaient que pour eux, ça allait quand même pouvoir changer énormément de choses, hein, d'un point de vue level design. Donc, oui, on peut imaginer. Enfin, en termes de texture, etc., on peut peut-être imaginer un équivalent au PC actuel, voire un peu plus. Ça, une fois qu'on aura les spécificités données, on pourrait être un peu plus. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, je pourrais donner plus d'éléments allant en ce sens. Par contre, sur la structure des jeux de base comme VR. Et peut-être même encore plus VR, parce que bon, on est complètement immergé dedans, enfin c'est voilà quoi, c'est l'avenir quoi. De toute façon, la réalité virtuelle, je pense qu'on peut pas, on est obligé de le reconnaître quoi. Je pense que oui, ça peut permettre de changer la structure des jeux et aller encore plus loin, oui, que ce qu'on peut faire sur PC, parce qu'on peut pas, à un moment, enfin on peut pas non plus, enfin ils peuvent pas se priver Steam, etc., ils peuvent pas se priver de 90% des joueurs. De ceux qui ont des PC moyens. Ouais, bah ouais, quand on regarde les quand on regarde sur Steam la exactement, quand on regarde sur Steam la configuration moyenne, enfin il me semble qu'on a même, enfin en tout cas d'un point de vue enfin sur la puce graphique, on est même pas au niveau du One X en moyenne. Fais attention à ce que tu vas dire. Non, vraiment. Moi, perso, j'ai une 1060. Ouais, bah une 1060, c'est moins puissant que la puce d'une One X. Ah bah oui, c'est je crois que c'est une VRD, c'est les premières cartes. Je crois que la configuration moyenne sur Steam, enfin des utilisateurs Steam, elle est bien en dessous d'une One X. Hein. Ah ouais, clairement. Bien, ouais. bien en dessous. Hein. Y en a, enfin voilà. Les jeux qui sont les plus joués, donc, c'est quoi? C'est LOL, c'est Counter, c'est des jeux qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources. Hein, et donc, la majorité donc des pour joueurs, résumer, c'est positif. Ouais, tout à fait. On est en train de parler là de Half-Life Alyx, qui est quand même le jeu certainement le plus gourmand qui va arriver sur PC. C'est même pas sûr. Moi, je ne le fais pas tourner en config minimum. Donc, déjà, sur PC, il faut déjà avoir une bonne machine. Donc, il y a une bonne partie des joueurs qui ne pourront pas y accéder. Ah. Si on arrive à ça sur PS5, mais putain, je suis aux anges. Non, mais Laurent, Valve aussi, ils tâtent au niveau de l'optimisation. Oui, oui. C'est pas des mauvais. Je suis pas certain que ce soit le jeu. Toi, tu mets un Fallout 4 VR et puis un. Ah, au niveau de l'optimisation, je pense qu'on y aura droit. À côté, je pense que Fallout 4, on y aura droit. Ouais, mais justement, je pense que Fallout 4 va être certainement plus gourmand que Half-Life Alyx. Hein. Ouais, parce qu'il est optimisé avec les pieds. Exactement. Exactement. C'est déjà à la base, de toute façon, tous les Bethesda sont optimisés avec les pieds. Bah, en même temps, s'ils n'avaient pas un moteur de jeu qui datait de 1999, Oui, mais il est pas cher. C'est la fin d'émission, c'est la taille. Je déconne pas, depuis Morrowind, ils sont. C'est plus Morrowind, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il y a que les Dishonored, enfin le 2 en tout cas, qui a changé de moteur graphique et qui malheureusement n'a pas eu le succès escompté. Par contre, moi en tout cas, je l'ai vraiment énormément apprécié. Ouais, moi, les jeux Bethesda, je peux plus, quoi. Enfin, je veux dire, j'avais adoré Oblivion, j'ai lancé Skyrim, j'avais l'impression d'en faire le même jeu. Enfin, faut être honnête. À un moment, ils changent l'univers. Non, je parle juste du moteur, hein. Je parle vraiment du moteur. Ah, non, l'univers est, je veux dire, on change l'univers et, enfin, voilà, quoi. Enfin, Bethesda. Ouais, ils ont surtout amélioré les textures et, exactement, et, ouais. Et rajouter un peu de vie et, de fun, de flore, quoi. Enfin, tu vois. Ça se mode. T'as déjà essayé les, enfin rien à voir, hein, complètement hors sujet, les mods qu'il y avait sur Morrowind. C'est-à-dire que tu pouvais, quand t'as le jeu de base, en fait, tu vas, je crois, à la confrérie des traducteurs, il me semble, ça s'appelle, et t'as un mod qui reprend tous les graphismes en fait de Morrowind, ça te transforme. Le jeu, il date. Ah oui, mais ils le font, ils l'ont fait sur Oblivion, ils l'ont fait sur Skyrim aussi. Ah non, mais Morrowind, c'est encore plus impressionnant parce que le cadre graphique, il est énorme, c'est vraiment. Oui. C'est magnifique. Vrai que c'est vide aussi à la base. Enfin bon, c'est un jeu qui a, je sais pas, quoi, quel âge il a ce jeu d'ailleurs, 15 ans, 20 ans. Bah, Morrowind. 20 ans, parce que bah, en 1999, hein, quand le moteur est sorti, ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Peut-être en 2000, enfin juste un peu après, autour de ça, autour de 99-2000. Hein. Mais c'est dommage que moi, de base, j'aime vraiment beaucoup Bethesda. Hein. C'est pas méchant ce que je voulais dire, mais là, je trouve quand même qu'ils tournent en rond. Enfin, cette génération, ils ont été assez absents, quoi. C'est plutôt délicieux. Ah bah oui, c'est clair, ils ont complètement été absents, ça c'est sûr et certain. Ouais. T'as bien raison, mais on verra pour Elder Scrolls 6. Fallout 4 qui était pas mal. Ouais, ils ont fait Fallout 76. C'est pas mal. C'est fait. Oh là là. Ça a été compliqué. Même, ça. Attends, apparemment, ils en sont contents quand même. Ils disent qu'ils ont bien géré le truc et tout. Bah, apparemment, c'est moins la purge que quand il est sorti. Enfin bon, bref, là après. Non, il y a des espèces de bugs, il y a des mecs qui glitchent et tout dedans, ils te volent ton inventaire. C'est un truc de fou. C'est le Westland. Hein. Tu peux pas. c'est dur hein, la vie là-bas. Ouais, mais en fait, ils font ça juste en passant à côté de toi. Quoi. C'est chaud, tu te retrouves à poil, tu sais pas pourquoi. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, très bien. Bah, en tout cas, on espère en tout cas que cette émission vous intéressait, vous a appris beaucoup de choses. Encore merci, Johan, une fois de plus. Ça y est. On a oublié un sujet. Ouais. Quoi? Et ben le PlayStation Experience, le Sony Square. Ok. Alors tu le fais super vite. On va le faire super rapidement. Tac. On vous a fait un premier article cette semaine. Donc c'est Cyril qui s'en est chargé pour vous préciser qu'il y avait le Sony Square qui avait ouvert ses portes donc le 14 janvier et qui fermerait ses portes le 16 février. Donc il se passe à New York. En gros, c'est quoi? C'est une salle qui est ouverte et qui est là pour fêter les 25 ans de PlayStation. Donc les gens vont pouvoir aller, les joueurs vont pouvoir y aller, jouer à un peu tout ce qui s'est fait sur ces 25 ans. Mais Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, bon, on voit bien, le net est en feu. Hein, dès qu'il y a le mot PS5, ça s'enflamme de partout. Et tout le monde est en train de se dire quand est-ce que la PS5 va être annoncée, surtout que Xbox l'ont déjà fait pour les Game Awards. Donc là, maintenant, tout le monde attend PlayStation. Et sauf qu'il y a des rumeurs qui parlent d'une annonce le 5 février, ce qui est marrant. Donc pour le 5 février, il y en a qui commencent à parler d'une annonce officielle de la PS5, donc un showcase qui sera organisé. La date, on ne la connaît pas encore, mais il commence à y avoir pas mal de petits indices qui soit c'est des rumeurs, dans ce cas c'est de la spéculation, mais il y a aussi des petits points intéressants là-dedans. Donc le fait que ce soit du 14 janvier au 16 février, ça nous donne une fourchette de dates pendant cet événement. Mais il ne faut pas oublier que si réellement ça arrivait le 5 février, le lendemain, donc le 6 février, il y a l'ouverture du salon de PlayStation de on avait dit Taipei, donc oui, c'est en Taïwan. Donc ce salon, ce qui est drôle, c'est que le slogan, c'est You are a star. Ce qui est drôle, c'est que les deux A de a star n'ont pas de barre et ça fait des V à l'envers. Donc ça, bon, on va dire que c'est un détail, mais bon, pourquoi pas. Donc qui correspondrait au chiffre romain 5. Hein. L'autre chose, c'est que si on regarde la charte graphique, surtout, c'est ça m'a vraiment choqué. Alors, j'ai peut-être un œil plus averti pour ça, c'est qu'on regarde la charte graphique du Taipei Gaming Show de l'an passé. C'était quelque chose de classique, une photo de la ville, et ils avaient mis juste en gros Taipei Gaming Show et tout ça. Sauf que cette année, ça reprend exactement la même charte graphique de toutes les expériences. Donc je parle de l'expérience de la PlayStation Experience de Eminem en 2017, le 3 2018. Le Media Showcase qui avait eu lieu à la Paris Games Week en 2017, le 3 Experience en 2017, on a toujours ce ciel étoilé, un peu violet-bleu qu'il y a sur toutes les grandes annonces de Sony. Et cette année, c'est clairement ce même fond. Globalement, ça pourrait fonctionner. On sait aussi que donc Shuhei Yoshida et le nouveau directeur de Sony Interactive, je ne sais plus son nom, je l'ai mangé. Ils se sont retrouvés à San Francisco, donc ça bouge pas mal en ce moment. Cory Barlog. Non, Cory Barlog, c'est. C'est l'ancien d'Horizon. Cory Barlog, ouais, elle est de Santa Monica. Il me semble que c'est. Elman Hust. Voilà, exact. Elman Hust. Donc ils se sont retrouvés à San Francisco, c'est pas pour rien à mon avis. Et puis alors il y a autre chose qui m'a marqué, c'est un tweet de David Scott Jeff. David Scott Jeff, c'est un game designer américain, c'est le directeur de jeu chez Sony Santa Monica. Donc c'est pas n'importe qui. Et alors lui, il a tweeté, donc aujourd'hui même, donc on est le 16 janvier quand on enregistre cette émission, il a tweeté que la PS5 serait révélée dans moins de 4 semaines. Et si à partir du 16 on compte nos 4 semaines, on se retrouve sur le 6, donc l'ouverture de Taipei. Tintin. Voilà. Et là, la messe. Et bah disons que. Et voilà. Mic drop. On va savoir dans les 4 semaines, à mon avis, ça sera fait, quoi. Et puis surtout que là, on est en pleine activité, quoi. Il y a vraiment trop d'événements Sony en ce moment et qui sont en plus les uns sur les autres. Donc ça va peut-être être un showcase qui va se passer à New York, c'est possible. Admettons le 5. Et puis le 6, le lendemain, ils vont. Mais prenez le temps d'aller voir le site officiel en Taïwan de PlayStation. Vous voyez qu'il est intégralement aux couleurs du truc. Et puis ce serait en plus très intéressant du point de vue de tout ce qu'on a dit, l'absence de l'E3 en 2019, l'absence de l'E3 en 2020. Toutes les personnes. Ils s'en foutent complètement. Et disons, toutes les têtes qui ont sauté également, qui ont démissionné, on ne sait pas trop, mais il y a eu beaucoup de changements au niveau de la direction de Sony. Et on a l'impression quelque part qu'ils sont en train de s'écarter un petit peu du marché américain, pas dans le sens qu'ils vont pas vendre des consoles, hein, mais dans le sens au niveau communication, pour protéger leur communication, ils se rapprochent peut-être un peu plus du marché asiatique. C'est l'impression que j'ai moi personnellement, surtout que Donald Trump leur envoie plutôt pas mal, facilite pas la tâche en ce moment. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses qui mis ensemble, autant des choses technologiques que des éléments marketing, que des éléments de personnes qui se déplacent, ça commence à se les pièces du puzzle commencent à s'emboîter un peu trop bien, je trouve. Et du coup, effectivement, là maintenant, je commence à penser réellement à ce que entre le 5 et le 16 février, il se passe quelque chose. Je vais faire le pessimiste, mais ça s'emboîtait pas mal aussi pour le CES. Moins, parce qu'on n'avait pas ce chart graphique de vraiment... Oui, effectivement, tu n'avais pas toutes ces annonces, mais je parlais des personnes qui se réunissaient. Bah déjà, mais de toute façon, d'ailleurs, Cory Barlog, il n'y a pas été pour passer le week-end. Il était bien invité à une conférence qui parlait de jeux vidéo. Mmh. Oui, c'est vrai. Jim Ryan, qui est monté sur scène, c'était presque étonnant parce que final, on n'a rien appris à part un logo. On a un peu l'impression que le boss de Sony s'est dit PlayStation, il faut en parler parce que c'est quand même la locomotive du groupe, c'est celle qui rapporte le plus d'argent avec le cinéma. Donc ils sont venus est-ce que Jim Ryan est peut-être monté sur scène parce que Microsoft sont intervenus au Game Awards. Dans le cas contraire, je pense même pas qu'il serait monté sur scène. Bon, en tout cas, on a hâte d'être au 6 février pour savoir exactement ce qu'il en est et savoir si on rêve encore ou... N'hésitez pas à aller sur le site pour voir tous ces articles. Et puis, c'est assez probant, justement, dans ton article, quand tu parles de charte graphique, effectivement, ça saute aux yeux tout de suite. Et puis, ce qui saute le plus aux yeux, c'est quand tu regardes la même manifestation 2019-2018. Ouais, t'aperçois que là il y a un changement radical, que tu dis tiens, ça n'a rien à voir. Là il y a un truc au niveau de la communication qui est assez probant. Ouais. Ok, très bien. Eh ben écoutez, on va vous remercier en tout cas de nous avoir écoutés. Encore une fois, on espère que cette émission vous a intéressé. Un énorme merci, hein, je te remercierai jamais assez, Johan, pour toutes tes explications. Oui, merci Johan. Ça m'a permis de voir tu pourras revenir quand tu voudras, il n'y a pas de souci. Ouais, carrément, oui. Bien sûr, écoutez, avec grand plaisir. Moi, je vous le dis, c'était la première fois que je faisais un podcast, donc j'espère que j'ai fait un peu le café, quoi. Et puis, voilà. Et puis, non, franchement, non, écoutez, c'était sympa, c'était cool. Donc, merci encore à Laurent d'être venu à la base discuter avec moi sur ces questions techniques, et puis merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment une bonne soirée, j'ai bien apprécié. Merci à toi. C'est cool. C'était un plaisir, merci à toi d'être venu. Enchanté en tout cas. Bon, merci mon petit Lolo. Ah bah, merci à tout le monde. Merci à Monseigneur, c'était avec plaisir. Vous pouvez nous retrouver donc sur iTunes, sur PodCloud, sur Deezer, sur Spotify, sur n'importe quelle application de podcast de France et de Navarre. On remercie donc effectivement les auditeurs. Laissez-nous, si vous aimez ce qu'on fait, laissez-nous une petite note sur iTunes, c'est très important pour nous pour le référencement. Même juste mettre une note, pas forcément un commentaire, enfin voilà, et ça nous aide beaucoup et c'est un très très bon retour pour nous. Venez discuter avec nous sur le forum de VR4Player, vous pouvez aussi discuter avec nous sur les commentaires des articles. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, des surprises à venir, et on vous fait de gros bisous et à bientôt. Si dans 2 semaines il n'y a pas de PS5, c'est qu'on sera dans 2 semaines de l'annonce. C'est ça. On va commencer à mettre des marques sur les murs, tu sais, pour faire le décompte. Allez, ciao tout le monde. Bye. Ciao. Salut. Ciao.